C'est fait, on est en onde, on est de retour. C'est 70% 2, 71%. Non, ça marche pas. Hein. Non, c'est pas ça. 140%. 140 pour 235%. 35%, ouais, ça pourrait être pas pire. 70% pour le 70%. Oh, oh, ouais, c'est pas pire, 70% qui court dans le champ. 70%. Ouais, c'est bon. 70% la suite, 70% la revanche. La revengeance. 70% c'était meilleur avant. Les plots Tupperware, c'est brainstorm. Ouais. 70% les plots Tupperware. Ouais. Les amis dans le parc. Oui. Ouais. Run du jus. 70% nouveau et gratuit. Nouveau et gratuit. Nouvelle formule améliorée. Ouais. Maintenant sans gras. Maintenant légal aux douanes. 70% c'est qui Simon-Pierre Bilodeau? Je l'aime, celle-là aussi. Ouais, hein? C'est bon. Ça. Ouais. 70%. Pour ceux qui se souviennent de Simon-Pierre Bilodeau, là. Toi, t'en rappelles-tu? Ouais, moi, je m'en souviens. J'allais croiser dans la rue Simon-Pierre Bilodeau. Simon-Pierre Bilodeau, Jonathan Bertrand Godbout, c'est un de mes anciens colocs. C'est celui qui a, comme, trouvé le nom de 70% et avec qui j'ai commencé à faire de la radio, là. 20 ans? Ouais, je... On le salue? Ouais, dans ce temps-là, il y avait les Ninja Turtles. Là. On le salue, mais on le sait qu'il nous écoute pas. Ouais. C'est l'intention. Sinon, on a Mathieu. Salut. J'ai oublié ton nom de famille, par contre. Tu vois, il est à l'aise. On a Mathieu, Evelyne. Bonjour. Toi, c'est... Mon nom ou mon tour de taille? Ça va vite. Déjà au niveau du nombril, Evelyne est de retour. Yes. Pour les amis français qui l'ont jamais vu, ben c'est réglé parce qu'on est live à la. On est maintenant dans la TV. Douteux.tv. On dit salut aux amis de France. On est les amis de France. Vous reconnaissez Julien Bernatchez qui est dans son rôle de Lucky Luke en permanence. Ouais, pas mal. Ouais, ou la coupe Joanne et Pierre-Louis. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Je savais pas trop qu'est-ce que je voulais. Puis je savais pas comment le demander. Finalement, t'es coupé toi-même. Ouais, ça finit toujours de même. Toujours une coupe de fruits de princesse. Fait que ça, ça a fait que t'as pas eu d'inspiration. Mais pas, je pensais pas qu'on nous verrait aussi. Je me suis dit, bon, pas grave. C'est la radio, je peux avoir l'air d'un crotté comme d'habitude. C'est, ben, c'est pas mal là-dessus que j'ai basé ma carrière radio. Mais... Hey, puis t'as Bruno juste à ta droite. 33, moi. Ah, t'es-tu content qu'on recommence pareil? Oui. Moi, j'ai eu un petit preview, un petit sneak preview au FME. Puis là, ben, ma chronique est vraiment pas prête. Donc, ça se peut. Pour ceux qui vont nous regarder à la TV, ça se peut que je fasse ça de même pendant que les autres parlent. Ouais. Ça va être pour le mieux et le bien commun. Voilà. On a Mathieu qui est le réalisateur, je te dirais, invité de... Invité! En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder ton clip tantôt, c'est Zombie, le documentaire. Ben, ça a été tourné en Thaïlande, ça? Il y a des bouts, en notre imagination, c'est en Thaïlande. Qu'est-ce que c'est bon, ça? Ouais. Fait qu'on va développer là-dessus, puis le reste, puis toi, Jonathan Bertrand Godbout. Ouais. Il a donné un ordi. T'es ici parce que c'est en fait c'est le studio Jonathan Bertrand Godbout depuis quelques instants. Wow, je m'attendais pas à ça, pas à ça. Écoute, on va mettre une petite plaque à l'entrée. Ouais. Il va avoir la machine. Je vais te donner une belle photo de moi en plus. Là, pour que... oui, pas te compromettre avec ton 40 livres de carottes parce que. j'ai quand même fait un don de 40 livres de carottes à Tommy. C'est vrai, il m'a donné un sac de 40 livres de carottes. Ah, d'où ta taille de guêpe. C'est tout le temps les mêmes qui ont dit. Je l'ai pas encore mangé. Ah, justement. Bon, ouais. T'as ton bureau. T'es blême aussi un petit peu. Crime, c'est le double sarcastique hit combo. Hey, Bredge, je pars une toune avec Redge, là, tu sais, flasher lumière, puis vive la trip. Ouais, ouais, on part. Hey, on a présenté l'émission. Ouais, là, Simon, là, Simon est là aussi. C'est qui. Tu vas mettre un clip. Attends, c'est vrai, il y a Predge qui est là. Ben oui. Ouais, Predge. Ben oui. Predge à la console. C'est le contraire de prendre pour acquis, tu sais, d'ignorer. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Fait que c'est quoi tu nous fais jouer, Predge Arnak? Ramones pis les Pet Cemetery. Ah, c'est les Ramones. Oh, et voilà, Halloween. Excellent. Les cimetières de Pet. Joyeux Halloween. Est-ce qu'on dit Brun Predge ou Predge Brun? On dit. Brun Predge. On dit Tabar Predge en tout cas. Tabar Predge, ouais. on avait, ouais. C'est pas Predge Arnak. In Chicago's and Wallows, come at the Grand Line making a stand. The smell of death is all around. And at night when the cool wind blows, no one cares, nobody knows. I don't wanna be buried in a Pet Cemetery. Addicted to the sacred place. This ain't a dream, I can't escape. Molders and fangs, they're picking up bones. Spirits moaning among the tombstones. And at night when the moon is bright, someone cries something ain't right. I don't wanna be buried in a Pet Cemetery. To live my life again. I don't wanna be buried in a Pet Cemetery. I don't want to live my life again. Sudden, I feel a chill. Victory is green and flesh is running away. Skeleton dance, I curse these days. And at night when the wolves cry out, listen close, then you can hear me shout. I don't wanna be buried in a Pet Cemetery. I don't want to live my life again. I don't wanna be buried in a Pet Cemetery. I don't want to live my life again. Oh no. Oh no. I don't want to live my life again. On est de retour en onde. Hey! La vraie aventure. Hey, déjà hier, si vous n'êtes pas allé sur nos archives, ben, c'est compréhensible, là, mais je veux dire, l'entrevue avec Rémi Couture, ça a été quand très même bon, du bon, très bon stuff. Ouais. Moi, je vous invite encore à aller sur supportremi.com. ou en français supportrémy. Point com. Je vous invite à y acheter un t-shirt, à y donner 3-4-5 piastres. Minimum, là, ouais. C'est un combat pour la liberté d'expression. Toi aussi, tu pourrais devenir un criminel. J'aimerais ça. Je sais pas si tu sais ce que le gars est en train de vivre, mais parce qu'il faisait des films de gore, c'est comme en train de mal finir. Toi, t'es plus un passionné de viande déjà passé date. Ben, moi, mon truc, c'est que je suis moins bon, fait. Ah. Ça a l'air moins vrai, fait que Interpol. Ça, je me garde là, je vise un petit peu moins haut, puis comme ça, j'ai pas de trouble. J'adore ça. Si je veux être un criminel, ça serait cool, je pourrais me pogner des filles peut-être. Tu sais. Facilement. Ouais, on a oublié qu'il m'avait entendu l'histoire du petit gars qui a coupé l'oreille d'un itinérant dans un parc. C'était assez bad cette affaire-là, ouais. Parce que ça a l'air qu'il voulait se pogner des filles. Julien Labrie. Ouais, au bout du compte, c'était ça. Il était en vacances avec ses parents, dans le Vieux-Montréal. Il voulait se poigner des filles en ayant l'écho. Ben, c'est pas exactement ce cheminement-là qu'il a fait, mais au bout du compte, c'était ça l'idée, c'est qu'il voulait être un badass. Il a dit encore aussi qu'il avait fait du moche la veille. Ouais. Puis qu'il était encore gelé de tout ça. C'est vrai que le moche. On sait que le moche s'en gèle pendant 2-3 jours, là, tu sais. Puis pousse à des pulsions meurtrières. T'en prends, t'as déjà arrivé. Malheureusement, il a été reconnu coupable. Ouais. On aurait aimé ça pour y jaser. Ce qu'il l'aidait pas, c'est qu'il y avait le tour d'une main et l'oreille dans l'autre. Ouais. Je sais pas s'il a réussi à se pogner une chicks avec l'oreille de. L'histoire ne raconte pas ça. L'histoire nous dit que ça pogne pas. Il est rentré chez eux avec l'oreille, puis il disait à son père, j'ai fait de quoi de grave, mais son père pensait que c'était pas si grave, fait qu'il a attendu le lendemain pour y en parler. Il a fait, oh, finalement, c'est un peu grave. C'est un itinérant. Il a attendu le lendemain. C'est quoi cette histoire-là? Il paraît que c'était un Julien dans un parc. Un Julien Labrie, il a précisé. Qui aurait coupé une oreille à un itinérant pour pouvoir faire des grosses. Parce que les filles aiment les bad boys, il dit ça éventuellement au policier quand il a mis son crime. Évidemment. Moi, quand je me suis fait raconter l'histoire, c'était moins décousu puis c'était plus clair, mais en gros, c'est ça qui est arrivé. Ouais. Commencer par le milieu. Qu'est-ce que t'es en train de dire, là? T'aimes pas notre esprit de synthèse? J'adore ça! Ou notre décor? Réveille les morts encore! Mais moi, pour vrai, j'ai juste vu Mathieu Hansfield, ton documentaire. Hansfield. Hansfield, il n'y a pas de Hans? Non. Non, ok, pas de. C'est comme même chant. C'est bon. Mais... c'est du monde tricks. C'est bon. Ça, c'est irlandais ou écossais? C'est anglais. Oh. Mon ancêtre était ici pour la déportation des Acadiens. Puis il était marié avec une Acadienne, fait qu'il a été super poche. Fait qu'il y a beaucoup d'Acadiens qui se sont sauvés dans son département. Puis après ça, on est devenu francophone. C'est comme ça que ça s'est passé. C'est de là que je viens. Ça ferait un bon film de zombies. J'aime tes origines. Mais hein. Ouais. Ouais, ouais. Ça va vite, hein? L'Acadie est chez nous, pour une. Ouais. Hey, d'ailleurs, j'ai de quoi à plugger pour l'Acadie. Ah oui, non? Ben, on peut voter sur un site pour les 7 nouvelles merveilles du monde naturel. J'ai une cigarette pas peur, là, ça marche pas. Donc, il y a un site internet, on peut voter pour les 7 nouvelles merveilles du monde. Puis la baie de Fundy est là-dedans. Puis moi qui voue un amour sans borne aux provinces maritimes, allez donc voter qu'on est une merveille du monde au Canada, c'est ouais. Fou. Mais oui, enfin. Mm. Enfin. New Seven Wonders. Depuis le temps que ça nous manquait. Ah, j'ai hâte de voir la baie de Fundy en merveille du monde. Ben ouais, ça va être tellement différent. Elle va tellement être plus belle quand elle va avoir le statut de cette merveille du monde. Mais là, c'est fun parce que si ça devient les 7 merveilles du monde, il va y avoir plein de monde qui vont y aller. Oh. Fait que là, ils vont tout. Ils vont mettre du pavé partout. Ils vont mettre du pavé. Ah ouais. Ils vont mettre du pavé partout. Du béton, ils vont mettre des arcades, des ils vont mettre des hôtels, des grandes roues, des hôtels. C'est vrai que c'était beau dans cette place-là. Comme à Niagara. Là. Les arcades seraient le fun. Comme à Niagara, ouais, c'est ça. Comme aussi à Machu Picchu. Ouais. Il paraît que c'est rendu pratiquement impossible d'avoir une photo sans qu'il y ait la grande roue en arrière. Non. C'est ça, ils l'avaient dans le temps, non? Ils l'ont juste refait. C'est la même grande roue que l'époque. La même grande roue. Me semble, ouais. Genre 5200 mètres, c'était pas assez haut pour eux autres. Ben, écoute, c'est une occurrence naturelle, c'est un grand roue-là, en fait, je pense. Ouais. T'es là. Mais ouais, je pense à ça, c'est quoi les anciennes merveilles du monde contre naturelles. Quoi on se bat, mais pourquoi faut que le droit de l'homme ne remplace pas, ça va monter à 14. Les chutes de l'ange en Argentine. Encore eux autres, voyons. Les pyramides. Mais ils sont peut-être déjà là, en fait. Hey, en parlant de 7, saviez-vous que depuis aujourd'hui, il y a 7 milliards d'humains sur Terre? Ouais, bravo. Bravo, hein? Bravo pour votre persévérance, tout le monde. Yes. On s'est rendu. Vos efforts dans la chambre à coucher. Ça a fait du monde qui sont venus dedans. Ça a fourré pas à peu près. Quand tu penses à ça. C'est vrai. C'est ça. Parler de tes films un petit peu. Salut. Ben oui, ça repart. Moi, j'aimais ça tantôt quand on parlait de Zombie le documentaire, parce que tu m'as dit que c'était un projet avec tes amis que t'as porté à fruition en mettant de l'investissement qui était beaucoup de la motivation. Exactement. Un projet de 2 ans, man, ça... Ouais, c'est un projet de 2 ans, mais dans ce temps-là, on faisait pas d'autres affaires. Fait qu'on s'est dit, on n'a pas d'argent, mais on a le goût de le faire, puis on a du temps. Fait qu'on va le faire, le temps que ça prendra ce temps-là, puis c'est tout. Fait qu'on a travaillé pendant 2 ans à tourner et à monter simultanément, parce que le film, comme tu vas voir tantôt, il est fait avec beaucoup de petits clips, beaucoup de petits flashs de 1 seconde, de 3 secondes. Fait que c'est beaucoup de lieux. T'sais, en tout, je pense qu'il y a eu 50 lieux, puis à peu près 200 personnes qui ont travaillé sur le film au fil des 2 ans. Tout ça à coup d'huile de bras. Fait que ça a été comme beaucoup de job, mais finalement, pour un beau petit résultat cute. Le film a eu d'ailleurs une super belle vie, pas au Québec tellement. À part Simon qui l'a programmé. Je pense qu'il en est à sa 3e programmation. D'ailleurs, Simon, faut que je te pose une question là-dessus. Dans tes programmations, il y a souvent beaucoup de cochonneries qu'on aime voir. Ça fait 3 fois que tu programmes mon film, faut que tu comprennes quelque chose. Hein, ouais, mais... au contraire. Ah, ok. Encourager les amis aussi. Ah, bon, ça me fait plaisir. C'est les deux, ouais. Ah, on est là pour la diversité, c'est sûr et certain, là. Oui. C'est correct de l'avoir posé, je comprends. Mais ça m'a chicoté. Là, à la 3e reprise, je me suis dit. Qu'est-ce qu'il en pense de ce film-là, mais en tout cas, sinon en Espagne ça a bien vécu, quelque chose ça a parlé aux Espagnols, je sais pas pourquoi, mais ça a roulé en Espagne à mort, a gagné un prix du public à Barcelone, le monde qui a pas été bien. Ah, sacrifice, bravo. Ouais, on l'a traduit en espagnol, ça aide, j'imagine c'est plus drôle traduit, je sais pas. C'est-tu toi qui fais la voix aussi? Ouais, ben on a sous-titré, on s'est pas embarqué dans un mouchou de la J'aime ça, fait vintage. Ouais, old school. Puis avez-vous pensé faire un 2? Parce que c'est un film comme en volet, tu veux dire, dans l'ombre, tout est dit. No way. No way. Mais on a, il y a eu sur la table l'idée de faire un sitcom avec le zombie dedans. Oh, mais que ça soit pas un sitcom, l'idée, le défi, c'est de faire un bon sitcom, mais que ça parle pas du fait qu'il est un zombie. Non, non, c'est comme, mettons, imagine Friends, mais tu remplaces Joey par un zombie, mettons. Ouais. Puis on en fait blonde, pas de cas. Puis y a, à un moment donné, il y a une blonde, puis c'est ça, puis c'est tout. Puis, mais on en fait pas de cas, on parle moi, pas. Je de... fais pas la vaisselle, parce que je m'entends jamais. Sûr que moi, quand je mange, ça salit plus, mais. Non, c'était le projet de deuxième vie du zombie qui a été lancé sur la table, mais là, on est tellement dans le jus qu'on s'est dit, bon. Hein? T'es en train de me dire que t'as mis le personnage de zombie sur le petit rond en arrière. Il est là. Il couvre, il est là. Une fois de temps en temps, je le ressors pour faire une petite farce. Bro, tu sais, pour que ça fasse trop de croûte sur le dessus. Non, exactement. Là. Sinon, ça plume. Ouais, puis sinon, à part les zombies, t'as-tu d'autres passions que t'as envie de filmer? Des passions. Écoute, là, je suis moins sur les projets passions en ce moment parce qu'on a la compagnie de prod. Ben, le zombie a été le début de la vie de ma compagnie de production. Mais c'est pas sérieux. J'ai juste entendu un téléphone cellulaire. Ouais. Non, c'est pas cellulaire, c'est un téléphone de la maison, c'est correct. Ça, c'est correct, c'est old school. Ouais. C'est comme si c'était un train, c'est correct. Mais effectivement. Mais on est rendu, la compagnie Astor fait des projets sérieux pour du monde, pour vrai. Fait qu'on est comme en train de gagner notre vie avec l'équipe du zombie. Non, pas des mariages, on s'est sauvé de ça. Ouais. On a fait la promo des divorces, ça c'est cool, on filme des divorces. Ouais, je fais des vidéos de divorce, là. Lâche. Faut que tu sois au bon moment, mais... Moi, j'ai pris ça à journée longue, des vidéos de divorce, personnellement. Un bon marché à développer, ça. Merci. Bon, fait que là, le projet que t'as parti avec tes chums pour faire un film qui vous tentait, à cause de la renommée en Espagne et du reste, a fait que vous avez pu bâtir votre compagnie. Pas à cause de la renommée en Espagne du tout. La renommée en Espagne m'a apporté un trophée fait en terre cuite, ça oui. Par contre, ça j'ai ça sur ma cheminée, il y a une scie de c'est malade mental. Il est moucheté, c'est vraiment carré, il nous l'a envoyé par en tout cas, je capotais. Oh, oui. Mais non, c'est plutôt la suite parce qu'on a fait d'autres courts-métrages par la suite. Puis à un moment donné, on s'est dit c'est parce que on fait, tu sais, mettons, le zombie le documentaire, demander une subvention puis expliquer que je te jure que c'est une bonne idée qu'il y ait un zombie sensible qui aille confier ses petites peines, ses petits plaisirs. Ouais, je te jure que ça me prend ça me prend 200 personnes dans ce film là, puis ça me prend 50 lieux. Ouais. Je pense pas que j'aurais eu le genre 200 000 $ que ça écouter au bout du compte. Frustré de ces genres de on a des projets idiots qui sont pas finançables, on a décidé de partir la compagnie de prod pour éventuellement se faire un fonds de roulement puis financer nous-mêmes nos films, en fait, parce que c'est bien le fun d'avoir des amis qui embarquent dans les projets puis tout ça, mais à un moment donné c'est comme cool aussi de pouvoir rémunérer un peu le monde ou au moins d'avoir un budget passer à l'étape supérieure, c'est ça, pour pouvoir engager Yves Corbeil, c'est ça, exactement. Bon, on a Yves Degagné qui vient faire son caméo à chaque film. À date, dans tous nos films de plus de 10 minutes, il y a Yves Degagné qui vient dire tabarnak. C'est ce qu'il fait. Ah. Ouais. Dans Zombie, le documentaire, vous porterez attention, c'est le camionneur qui se fait piquer sur l'épaule par un zombie. On le reconnaît pas parce que j'ai mis une casquette de poisson. Ça, c'est mais beau. Mais il dit tabarnak. C'est beau, ça. C'est comme. Le... Ouais, ouais. Ouais. C'est, puis c'est bon, on a jasé de ça. Puis lui, il est bien willing à tous les projets qu'on va faire. Il va être là pour. Tant que je sacre, je m'embarque. Ouais. Il est là. La première fois, il était gêné. Dans Zombie, il essayait de dire autre chose. Il faisait la tête, il faisait. Il botchait le nac. Il n'y avait pas le goût de sacrer trop. J'étais allé expliquer que je voulais vraiment un tabarnak senti. Ouais. Finalement, il l'a sorti. Il a compris. Ouais, il a fini par le faire. T'as pas de misère à parler à des acteurs de même, toi? Tu... Non. Ben, pas de... non, non, je lui parle de même. Je leur dis tabarnak. Tant que tu veux. Ah, ouais, je lui parle, je lui parle, je lui parle. C'est bon, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Non, c'est ferré. Puis sinon, avec qui t'es dans ta compagnie de production? Ben, il y a Maurice Vadeboncoeur, le cinéaste de renommée. Puis Joanie Deschambault, qui fait la l'administration de la patente là, qui fait qu'on réussit à pas être à perte puis qu'on est capable de se payer une fois de temps en temps. Puis toi, tu peux te concentrer sur d'autres affaires. Ouais, exactement. C'est mieux. Puis des affaires. Ouais, c'est ça, on touche pas à ça. On est vraiment dans des patentes plus. C'est-tu avec cette gang-là que tu travailles sur les rêves de rêve d'acteur? Ben, en fait, Rêve d'acteur, c'est une compagnie de prod à part entière qui nous engage comme individus, nous autres. Ils nous engagent, moi, Maurice, le cinéaste de renom, puis Joanie, pour. Travailler sur Rêve d'acteur, mais comme la compagnie fonctionne pas avec un nom, c'est pas jamais mis de l'avant que c'est Mathieu Enfield qui réalise en compagnie. On travaille avec le nom Lombric tout le temps, ben on a le tag du Lombric qui est sur notre compagnie de prod à nous autres, c'est ça. Notre tag est sur Rêve d'acteur aussi, mais c'est pas nous qui produisons le truc, c'est la gang de Rêve d'acteur en tant que tel qui le. C'est un beau projet. D'ailleurs, on a tourné la dernière hier. Belle patente, belle cochonnerie. Vous irez voir ça sur Rêve d'acteur. Je sais pas si vous avez vu les Rêves d'acteur. Non, moi je sais pas c'est quoi maintenant. Ah, je vais vous l'expliquer. Okay. Rêve d'acteur, le site c'est www.rêvedacteur au pluriel, tout dans un bloc, .tv. C'est une série web qui consiste à passer en entrevue des comédiens qu'on connaît, mettons... il y a eu Rémi-Pierre Paquin, à tes souhaits, Rémi-Pierre Paquin, Brigitte Lafleur, il y en a eu une trollée, qui viennent expliquer ce qu'ils font comme rôle tout le temps, puis ce qu'ils auraient le goût de faire, leur fantasme de jeu, ça serait quoi. On prendrait le nain de... On dit une personne de petite taille, il m'a déjà expliqué ça au téléphone longtemps. On a eu une discussion assez longue. Il doit probablement pas faire ce qu'il a envie de faire comme acteur. Paul Cagelet. Oui, mais Paul Cagelet, c'est que je Paul... Je te l'en dis par ailleurs. Ben, Paul, il est... parce qu'il n'y a pas comme d'humour par rapport à ça, du tout. Okay. Dans le sens que moi, je me fais engager pour faire des grands gringalets idiots, puis je comprends que, ils ne vont pas me caster dans la même affaire que Roy Dupuis. C'est normal. On ne peut pas faire semblant que M. Cagelet ne mesure pas 5 pieds. Oui, fait que c'est évidemment. Un peu calice. Il trouve pas ça drôle, lui, du tout. Ouais. Fait que c'est le petit... on a déjà travaillé avec lui. C'est un bon gars. C'est super cool, mais c'est que... C'est ça. C'est t'en parles pas. C'est un peu picky, ouais. Il y a un petit éléphant dans la pièce. Un peu... Oui. Disons. Ouais. Oui. Moi, je suis pas un petit gros roux. J'aime pas ça que le monde en parle. Non. Fait que c'est ça, Rêve d'acteur, au bout du compte. C'est pas si roux que ça. Puis ensuite de ça, une bande-annonce du film de leur rêve. En fait, mettons, Rémi-Pierre Paquin qui voulait faire... Il voulait tuer des zombies, d'ailleurs, à coup de 12, puis être un badass. Ben, on lui a fait faire un film de « Il tue des zombies » à coup de 12. Brigitte Lafleur voulait incarner le mal. Les acteurs veulent faire des méchants, généralement. Oh, c'est plus souvent, Jessica Barker qui voulait être une femme fatale. Ouais, Jessica Barker, une femme fatale. Ça, c'est super. Le dernier, celui qu'on a fait hier, c'est... voyons donc... sacrifice, j'ai une journée de 17 ans. Vincent Bolduc. Non, pas Vincent Bolduc, voyons donc. de même. Guillaume le métier. J'ai pas le goût de dire le gros des bougons, mais le gros des bougons, voyons donc. Antoine Bertrand, lui qui élevait des chiens dans son enfance. Il en élevait pendant le tournage des chiens. Puis lui, il voulait être un coureur, un marathonien olympique. Intéressant. Ouais, il court pour la fin dans le monde. Un genre de Terry Fox. C'est une primeur. Ben oui, en fait, on a déjà l'entrevue, va être en ligne, je crois, mardi prochain. Pas que celui, pas demain, l'autre mardi, où il va dévoiler c'est quoi son rêve. Fait que je vous donne une petite primeur pour les 10 personnes qui nous écoutent, vous le saurez. En montant d'ailleurs, je vois la courbe qui augmente en ce moment même, ça capote. On est à 14 personnes! Bienvenue tout le monde à l'émission. C'est ça les rêves d'acteurs, vous allez jeter un œil si vous avez l'occasion. C'est une belle cochonnerie qu'on a faite là, puis on s'enligne déjà pour la deuxième saison. C'est une belle thématique, c'est ouais, le fun. Ouais. Comment vous trouvez les acteurs que ça a le temps d'embarquer? La première saison, ça a été des appels, on propose le projet, puis tout ça. Mais moi, j'étais pas là à ce moment-là. Non, nous, on n'était pas encore là. C'est vraiment la gang de rêves d'acteurs. OK. Mais ensuite de ça, c'est sûr qu'il y a eu un bon buzz autour de la première saison. Fait que là, c'est l'inverse. C'est les comédiens qui ont appelé pour être être dans ah, c'est bon. Ah, ben, c'est ça. Ben oui, c'est rêve d'acteur. Tu fais ce que tu veux, tu sais. Ouais, il y a eu, je pense qu'on a, on a deux prochaines saisons qu'on peut avoir. Des acteurs, des, un casting assez carabiné, là. Pas des affaires gênantes. Est-ce qu'on continue avec les scouts? Non. Non, je peux pas. Ça veut dire qu'il y a Claude Dubois. Ça veut dire qu'il y a Claude Dubois. Moi, je recommanderais par contre aux gens de continuer à donner généreusement pour rêves d'enfants. Là, aussi. Parce que souvent, les acteurs, ils ont très vrai. Tout ce qu'ils veulent là, oui. dans la vie. On ne demande pas de dons non plus. Faites juste checker. Faites juste regarder, c'est assez. Ça nous fait plaisir. Alors, c'est super drôle. Rêves d'acteurs, bon, ouais, c'est ça. Parce qu'on va s'en aller en clip. Bangarang. On va voir quelqu'un qui est pas avec nous autres. C'est pas une journée. C'est triste. Israelou nous. C'est pas son projet solo. Qui a lancé le projet solo à Zah. Ouais. Je n'étais même pas sûr qu'il était pour embarquer, en tout cas. Ouais. Ah non, même pas. Il y a quelqu'un qui dit qu'il a regardé les deux des sons de l'épisode. Il n'y a pas pu les regarder, c'est juste une shot. Oh, la mort de Noël! Jean Perron, si vous voulez être informé au niveau du sport, écoutez 70% et vous allez tout savoir que... En tout cas... C'est mon indicatif un préféré classique. Qu'on ah, a bon. Eu. Jean Perron. Jean Perron ça cogne. Hein, ça cogne à la porte. Ça va tout le temps faire ça qu'un invité, ça cogne. Ah. Ouais. Oh! C'est la mort de Noël! C'est la mort de Noël! Je ne l'ai pas vu venir! Hey, moi, je capote beaucoup, vous. Veux-tu m'envoyer une bière? Veux-tu une bière, un moment donné? Viens t'asseoir. Ça fait à peu près un an qu'on s'est rencontrés pour la première fois. La mort de Noël, fais attention au petit micro. Là, l'année passée, c'est elle qui a gagné le. Elle ou lui. Ouais, ben, la mort de la Noël mort, qui a gagné le concours de costumes. Ouais. Qu'on avait lancé au travers de tout le Québec et qui s'est tenu à Montréal. C'est quoi donc le deuxième prix, donc? Le deuxième prix... C'est Zach qui s'était mis tout nu. C'est pas tout nu, par rapport à l'homme invisible. Ouais. T'es mieux de pas arriver, ouais, c'était l'homme invisible, ouais. Là, c'est qu'il y a sa photo sur Facebook le lendemain de lui avec la graine à l'air. Ouais, il y a eu beaucoup de monde qui ont pu aller participer au groupe. J'ai vu la graine à l'air. J'ai vu le pénis du Réal Trudel-Denis, ouais. À part qu'on était rendu à 200. Il a raconté la joke du manchot chez nous récemment. 5 d'une shot. Ouais. Non, elle vit encore la joke du manchot. Ah, elle a encore, ben, je pense que. Il voulait gens pas qui la l'ont raconter pas vu, parce qu'il y a comme, il a passé à d'autres choses. Il veut plus vraiment la raconter. Puis, finalement, bon, il a pas pu s'en empêcher. Oh, il a tordu la graine. Ouais, puis ouais. Le chasser le naturel, il revient au galop. Ben oui, ben. Tiens, ouais, puis sinon, mort de Noël, pourquoi t'es dans le coin? Ben, je passais par là, je sais, puis on s'en va retourner au Brouhaha ce soir. Ben oui, pour j'entends. Un autre concours de costumes. Un concours de costumes au Brouhaha. Ça on est donc même pas original de faire ça une fois par année, nous autres. Ben, ça arrive bien qu'une fois par année, ça. C'est ça. Ben, fait que là, toi, cette année, tu penses-tu gagner encore ou... Non, non, je passe la torche cette année, le flambeau. Oh, humblement. Le flambeau, pas la torche. Humblement, tu te retires de la compétition. J'anime, fait que je peux pas gagner. Ah, boy, on va avoir un animateur au concours de costumes. La mort de Noël. Il y avait un C'était pas pire, ça. Je suis pas mal triste parce que, contrairement à Israël, qui a 200 personnes qui a vu sa gamme, moi, j'ai juste 19 amis Facebook. Fait que. Regardez la mort de Noël joyeuse et devenez son ami. Ouais, battre, aider la mort de Noël à battre le pénis d'Israël. C'est directement ça qui se passe, c'est weird. C'est un drôle de concept. It's on, la gamme. C'est qui bat le pénis d'Israël. Puis sinon, tu dis, c'est quoi qui se passe de bon en Maurie? Je viens de sortir de mes vacances. Je me suis rendu compte aujourd'hui, ça faisait 9 mois que je n'avais pas posté sur Facebook, jour pour jour. Donc, je viens de sortir de mes vacances. Ça faisait depuis le 31 janvier, en fait. Donc, travail fort, c'est Fukushima. Ouais. Ben, c'est ça. Ça ferait une bonne théorie comme quoi que je sortais juste pendant le temps des fêtes. Donc, 31 donc le 31 janvier, je peux confirmer que la mort de Noël regrettait de ne pas être allée à l'Igloo Fest. Voilà. J'arrête tellement ça y aller. Tu vois que t'en as 20 maintenant, grâce à moi. Yes! J'ai allez et likez la tous quand ceci est sa page Facebook. Moi, je pense que à 25 là, à 25 on donne un prix au 25e. Let's go, les lignes sont ouvertes. Le 25e. Faudrait faire ta photo de profil, la faire sur fond noir, je trouve que c'est un peu trop. C'était pas bon pour mon teint, hein. Ouais. C'est Noël. On dirait aussi, que c'était pas une bonne caméra. C'était parce que tu faisais la promotion pour la guirlande American Apparel, je crois. Exactement. C'était dans le vent. La guirlande American après. Ouais. C'est un fond blanc. Ouais, c'est ça. C'est une blague d'esthétique. Ah, j'en passe partout. Ben, faut que tu sois fan de lui pour la comprendre, pour voir la photo. Veux-tu que je t'en montre, là, cette petite photo? Il est même pas. Parce qu'il y a un fond blanc. J'ai trouvé bonne, moi. Faut-tu, on va la montrer à l'écran. Moi, j'aimais ça quand t'as écrit sur Facebook. Voyez-vous, arrêtez de regarder sur mon écran et allez sur votre écran d'ordinateur à la place. Vous faites ce qu'on vous dit. Mon film de Noël préféré. C'est vrai, il y a beaucoup de morts de Noël dans Die Hard. De Noël. C'est vrai, on tombe dans la période de Noël. Demain. Demain. Joyeux de Noël, tout le monde. Ah, merci. Fait qu'il y a l'Halloween, la fête Andy, Noël. C'est ça? Okay. Ben, t'as 21 likes! Oh, nice! Ben, voyons donc. Ouais, c'est en train de monter. Ça monte en flèche! Ben, vas-y, mettons, là, dis-nous un petit quelque chose, là, avant qu'on passe à une petite affaire audio, là, avant de parler d'autres affaires, là. Mais, parle-nous de toi, ta dernière année. C'était quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Dernière année, je trouve que j'ai pas été assez actif. J'avais beaucoup de projets. C'était un peu mort. Ouais, c'était un. Oh! J'ai compris la blague de Noël. Ouais, mais non, c'est ça. Il y avait des vidéoclips en vue, un album, un album double. Il y avait des collaborations que je voulais faire avec des artistes. Toi, la mort de Noël, là, est-ce que tu t'occupes juste du monde qui meurt à Noël ou tu t'occupes de la mort toute l'année, mais de façon plus festive? C'est pas clair. C'est intéressant. Fais attention, tu rentres dans sa période de temps. Non, c'est ça. Non, c'est parce que je veux juste savoir si c'est toi qui as tué Jésus. Non. Il est né à Noël, il est pas mort. C'est bon. Ok. Bon, bon. Le Noël du campeur cet été, non? Non, même pas. Okay. J'ai pensé à aller au pique-nique électronique, ça aurait été nice. Mais... Ouais, la mort du Noël du campeur. Ouais. Tu sais, moi, il y a bien des craques de fesses que je trouve qui sont trop. Moi, sur les plages du Québec, là. Ouais, effectivement. Mais ça nous enlève des. En tout cas, on souhaite une année moins pleine de moins gros projets pour pouvoir te sentir plus présente, te voir plus souvent. C'est cool d'avoir des invités aussi prestigieux que la mort. Que la mort de Noël. On va demander mieux que ça, ben. On a des cinéastes. C'est pas la mort de Noël. Non, c'est pas pareil. J'avoue. Je suis juste un petit peu plus hâte que genre l'été indien. Ouais, le vrai papa. Invité! Invité! Invité! Invité! Ça fait du bien. On est-tu rendu à 22, là, chaque fois? Non, c'est resté à 21. Qu'est-ce que t'aimerais entendre? 16, là. Qu'est-ce que t'aimerais entendre? 23! Le mort de Noël, là. Monte pas vrai? 23! Ça monte en direct. On va te shooter de quoi, là? Qu'est-ce que t'aimerais entendre, là, qui pourrait peut-être stimuler les gens à comprendre ton message de fond, tu sais? La toune de l'exorciste. On la demande souvent, celle-là. Mixé avec Jingle Bells. Du bon Tubular Bell. On pourrait mettre. Tubular Jingle Bell. Tubular Jingle Bell. On pourrait mettre Poker Face dans nos campagnes. Oui, oui, oui. Ouais, tu serais content. C'est un de mes préférés. C'est Alex et Arnold. C'est un de nos amis. Il fait des tonnes sur Arnold Schwarzenegger et les moitiés de fruits. Ah, enfin. Ça, ça se mélange tellement bien. Il a chanté à un moment donné: cesse de couper la queue de tes fraises et mange-les toutes. Sais-tu quoi? Non. Ça marche. Vrai? Oh oui. T'as essayé de le faire? Ben depuis, moi, je coupe plus aucune queue de mes fraises. Là. T'es-tu déjà à manger genre tes noyaux de pommes aussi, pis ces affaires-là? Non, ça, c'est toxique, ça. Pas toxique, c'est bon, c'est merde. Ben, ils font du cyanure avec des noyaux de pommes, Ben, c'est bon, ça, le cyanure, c'est pas correct. Ben non, tu peux y manger, c'est correct. OK, ben là. Personne qui va crever en mangeant des noyaux de pommes, là. Ils paniquent, là. Voyons, Bruno. C'est toxique, des astis de noyaux de pommes. Ça a crissé un voile sur la soirée. Fait que après, je te dis. On aime ça le malaise à 70%. Je peux mettre la tune la fois qu'on l'a écouté à 70%, mais j'ai pas le vidéo. Bah, c'est parfait ça. Donc, Poker Face dans nos campagnes. Ah oui, j'aime ça. On peut-tu faire la vidéo? Ah, qu'est-ce qui parle dans la musique que tu joues? Nous autres, on est contents. On est là, mais. Tu baisses nos micros là? Dans nos campagnes, on t'entonnait l'hymne des cieux et l'écho de nos montagnes redit ce chant mélodieux. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, I'll get him hot, show him what I got. I'll get him hot, show him what I got. Can't treat my, no we can't treat my poker face. She's got to love nobody. Can't treat my, no we can't treat my poker face. She's got to love nobody. Glow, glow. C'est Horrible's Halloween Sound. Toi, t'aimes-tu mieux les... Ça existe-tu une toune mélangée Halloween, Noël? Ça? Ben genre, ouais, la toune de l'étranger de Monsieur Jack. Bangarang. Bangarang. Bangarang. You've been upgraded. Vraiment. Hey, on a juste eu des invités cool. La date, ça la va date, bien. Ça va très depuis qu'on a recommencé. Bref, tu as bien fait ça. Ouais, merci. Bernatche, ça me fait très, très, très plaisir. Hey, t'as-tu son petit moi plus, là? Moi plus. Plus plaisir. Julien? Oui. Oh, ouais. Oui. Je C'est mon thème musical. Ouais. Ça, c'est pas mon thème musical. Non, ça, c'est pas ton thème musical. Tu t'ajoutes Predge. Ouais, c'est ça. Alors, chronique BD. On recommence. Au départ, je voulais amener celle que j'avais préparée pour l'émission qu'on avait été cancellée finalement. Mais là, je me suis dit, bon, on va partir en force. On va écrire une nouvelle à la place, là, au travail cet après-midi. Alors, je sais que les auditeurs écoutent ma chronique afin d'être à l'affût des derniers phénomènes du 9e art. M'attardant aux sorties BD récentes, j'ai tout de suite remarqué quel était l'album de la rentrée. Le tome 53 de Garfield, Chat déchire. C'est un jeu de mots, ça, hein? Ouais, c'est Chat déchire, ouais, c'est ça. Ça déchire. Ouais. Ça, ouais. 44 pages de franche rigolade. Tu veux pas être le gars qui a manqué la comète Garfield. Quand le monde jase de Garfield, tu veux pas être le gars dans le coin qui sait pas c'est quoi. Certains disent que c'est de la crise de marde, d'autres disent que c'est de l'hostie de marde, et certains au langage plus cru affirment que c'est monotone, lassant par son uniformité, par sa répétition, mais ces gens ne pourraient avoir moins raison, selon moi. Garfield, c'est léger, c'est l'été, même l'hiver, c'est ton petit massage après la journée de travail. Garfield est un chat orange obèse, qui dort, puis qui mange de la lasagne, puis qui aime pas les lundis. De toute évidence, ces lundis ne sont pas égayés par la présence de 70%. Ou peut-être ouais. qu'il était triste parce que ça faisait longtemps qu'il n'avait pas. Je connais pas son backstory. Ouais, c'est pas vrai. Ouais. Il est né en 78, ce qui fait qu'il a à peu près 250 ans en âge humain, ce qui se ressent immédiatement dans la justesse de ses observations. Et heureusement pour nous, il ne semble pas prêt de mourir. Essentiellement, à mes yeux, c'est un documentaire félin présenté sous la forme de trois carrés. C'est en lisant Garfield que j'ai appris que les chats pouvaient marcher sur leur patte arrière ou qu'ils aimaient crissement les pattes. Garfield. Alors, essayez à la maison de nourrir des chats avec des pattes. En plus, maintenant on a l'image, hein, pour essayer de le faire. Eh, hey, c'est bon. Merci, Preach. Oh, wow. Ouais, je regardais pas. Tu peux me trouver, peux-tu me trouver le dessus de l'album Chat déchire, le tome 53? Ou j'en demande peut-être beaucoup, mais. Non, okay. Je savais pas qu'on était rendu là. Garfield est, selon moi, une vulgarité. Bon. C'est vrai, quand on déroge du texte. Garfield est, selon moi, un vulgarisateur brillant des théories de Darwin, puisqu'au fil de ses récits, et en très peu d'années, son apparence s'anthropomorphise jusqu'à ne garder que les défauts de l'humain. Jim Davis a étudié l'art et la business à l'université de l'Indiana. C'est assez évident lequel il maîtrise le mieux. L'art, la business, on a compris. Oh, oui. Telle une version fécale du roi Salomon, tout ce que touche Garfield se transforme en marde. Les produits dérivés sont aussi nombreux que l'être. Si tu vois quelqu'un arriver avec un t-shirt de Garfield, tu sais tout de suite que la conversation que tu risques d'avoir avec lui sera des plus enrichissantes. Les mauvaises langues pourraient dire que son créateur Jim Davis consacre plus d'énergie à transformer son œuvre en noix qui pond des œufs en or qu'à l'améliorer. Selon moi, rien ne pourrait être moins faux. C'est comme si... Ouais, OK. C'est vrai. C'est vrai que depuis le milieu des années 90, Jim Davis ne dessine plus la BD et ne l'écrit plus. Mais je suis certain que son apport créatif ne s'est pas amoindri. En fait, il a même dit en entrevue... OK. Non, il fait peu. J'ai compris. Ouais. En fait, il a même dit en entrevue que le personnage a tellement une personnalité forte que la BD s'écrit d'elle-même dernièrement. Donc... Personne n'écrit pour Garfield, ce qui explique bien des choses. C'est vrai, c'était vrai, une vraie entrevue que je trouvais avec lui très, très drôle. Garfield est un chat de peu de situations. L'élément de surprise étant essentiellement de deviner le nombre de fois qu'il peut réutiliser la même situation. Quand je me lève le matin et que je lis mon petit Garfield matinal, je ne tiens pas à être trop brusqué par des changements. De le revoir écraser une araignée, manigancer avec des souris, ne pas vouloir aller chez le vétérinaire, ne pas vouloir manger d'épinards, essayer d'expédier Normal à Abu Dhabi dans une boîte, ou gâcher la dernière date de John, ça me rassure. Et je me lance dans ma journée avec l'espoir qu'elle sera aussi identique qu'à celle qui la précède et celle qui la suit. Certains y voient une faiblesse dans la série puisque, dans le style écrit, la répétition agace, la redondance est de mauvais goût et joue avec les nerfs des lecteurs. La répétition est considérée comme superfétatoire. À l'écrit. C'est quoi ta job, donc? Moi, ça, j'ai étudié en création littéraire puis là, je traîne un parking. inutile, et elle nous fait regretter le temps perdu. Et t'envoies des CV. Et j'envoie des CV. Non, même pas. Mais est-ce une mauvaise chose que de regretter le temps perdu? Alors Garfield permet ça, tu sais. De voir Garfield pour la 150e fois nous dire qu'il n'aime pas les lundis, peut-être le coup de pied au cul qui sera nous sortir de nos habitudes destructrices. Selon moi, les nombreux coups de pied au cul que Garfield donne à l'hilarant Audi sont une métaphore brillante qui prend son sens dans sa répétition ad nauseam. Nous sommes Audi, Garfield veut nous réveiller. La répétition. Quoi? Ouais. Ouais, c'est bon, Garfield, c'est mon point. Ouais. Ouais. La répétition se caractérise par sa monotonie qui alimente la tristesse, la mélancolie. La répétition, quand c'est ça? La répétition se caractérise par sa monotonie qui alimente la tristesse, la mélancolie, la dépression. Garfield, c'est la violence de l'ennui, comme Robinson Crusoe seul sur son île ou Claude Robinson seul contre le système, pour qui toutes les journées qu'il vit sont comme une seule et même qui se répète indéfiniment. La répétition se poursuit sans but, sans espoir de fin, il n'y a pas d'horizon en perspective, c'est ça Garfield. Mais les gens, ouais, en tout cas, mais les gens aussi disent, ça ce bout-là il est pas écrit, fait que ça va être tout croche, qu'il n'y a pas de changement dans Garfield jamais, mais ils ont annoncé à grand déploiement il y a quelques années qu'il allait y avoir des changements majeurs dans la série. Puis vraiment, c'est comme... Mais qui sait que c'est... Ben, ils ont updaté le site. À la fin, j'ai les chiffres, ça intéresse beaucoup de monde en fait, mais... Finalement, on sait qu'il y aurait des grands changements. Le grand changement, c'était que John allait avoir une blonde. Oh fuck. Ouais, voilà. La blonde étant ouais, c'était ça. Étant la vétérinaire. Ben ouais. Ouais, mais ça, ça va être Garfield Earth 2, là. Les situations très intéressantes qui peuvent sortir de ça, j'ai la blonde est la Jennifer Love Hewitt, excuse-moi. Ouais, dans la version cinématographique. L'excellente version cinématographique. Je sais pas si vous avez vu ça, un truc sur Internet, ça s'appelle John Without Garfield. Ouais, c'est Garfield Without Garfield. Et vu que c'est bon, je sais pas comment le plugger là-dedans, je l'ai pas mis, j'en ai pas parlé. C'est bon comme Garfield, tu veux dire. Ouais, non, c'est meilleur que Garfield. Ben, mais c'est, ça, c'est quand même bon pour de vrai. C'est pas pire. Ouais, c'est bon. Il faut s'en disant. Tu vois, il y a où le problème dans Garfield finalement. Ouais, c'est ça. Enlève Garfield, ça devient une situation tellement déprimante, c'est débile mental. Ouais. Il est en avant du lave-vaisselle. C'est la même affaire qui se passe que dans la vraie vie, dans le fond, parce que John, il parle à personne. Ouais, Garfield ne lui répond pas. Quand il parle à Garfield. Puis ce qui est le plus triste, c'est les bouts qu'il imagine Garfield en train de se parler à lui-même. Il fait ça? Qu'est-ce que mon chat est en train de se dire? Ouais. C'est que tu imagines ça, t'enlèves, t'as trois frames, tu fais juste enlever Garfield, puis t'as John qui bouge pas pendant trois frames. Ouais, il réfléchit. Regarde ce que ça me dit, moi, ça me parle, ça. Ouais, moi aussi, il se passe de l'absence. Quoi, là? T'avais pas fini, hein? Non, elle a pas fini, mais pas grave. Non, moi j'aime ça, on déroge. C'est correct. Parfait. On déroge. Même pas, on parlait de Garfield. Ben, c'est vrai, j'avais oublié d'apporter un point que lui avait pas pensé parler. Non, j'y ai pensé, je savais pas comment le plugger. On peut le défoncer de 5 minutes. Il avait pensé, il se disait juste que c'était pas pertinent. Merci. Merci beaucoup. Je veux dire, j'espère que personne va l'amener. Il reste encore 45 minutes à l'émission. What? Ouais, t'as comment de nouvelles, toi? Pas tant que ça, vu que j'ai pas le temps de me préparer. Vas-y, continue, Julien. Oui, alors... Garfield, c'est profond, mais surtout Garfield, c'est drôle en tabarnak. Juste d'aller faire un tour sur sa boutique officielle et de voir autant de produits à son effigie m'a fait un bien fou et m'a rassuré sur le monde qui m'entoure. Pour quelqu'un qui dort tout le temps, il doit faire de l'argent à maudit. Il est donc un bon modèle. Sur sa boutique, il est là d'ailleurs dans le coin à dire « magasiner pendant que je fais un somme ». Pour vrai? Ouais, non, c'est vrai, sa boutique officielle là, de Garfield. Mais genre online? Ouais. Google Garfield, fais comme moi. Puis là, il est écrit... Ouais. Il est là, il y a un Garfield, là, puis là, il pense... Il prend quelques secondes de son temps. En anglais, là, il est magasiné pendant que je dors. C'est ça, puis là, c'est ça. Ouais. Sacrément. Fait que quand tu t'en sais pas assez soccer d'acheter des produits Garfield, voilà. Il y a pas de fenêtre la vaisselle. On peut y trouver moult hilarants gaminets. J'en ai noté quelques-uns qui ont su me faire sourire, mais il va sans dire que le choix était déchirant. Il y a, est-ce que c'est vendredi déjà, avec la face de Garfield qui est comme vraiment de bonne humeur? Il y a aussi, je prends compte de ton opinion avec Garfield qui jette un papier dans une corbeille, plutôt que de la recycler, un léger bémol. Et il y a aussi « Prenez la situation avec calme, puis paniquez » avec Garfield qui se tire les cheveux. En tout cas, ses poils de tête. C'est bon. Ouais, c'est bon. On trouve aussi beaucoup d'effigies de Garfield sur des tasses. Et je sens que le public cible du chat rigolo, c'est essentiellement les gens de bureau, communément appelés les tripeux. Ouais. Tu le sais que tu veux passer ton vendredi soir avec le gars au bureau qui a un tapis de souris Garfield et une horloge Garfield. Ah, oh, pis la souris Garfield. Oui. Non, le tapis de souris, j'ai pas vu de souris, mais bon, mais ça téléphone, doit... Garfield. Ça existe pas. Ça doit... Oh, mais gars, il y a des cartes de crédit Garfield. Okay. Mieux encore, aujourd'hui, c'est l'Halloween. Dans les parties costumées, spotter le gars avec un costume de Garfield, c'est probablement un gars hilarant qui croit en Dieu pis qui bat sa femme. D'après moi. Un gars hilarant. Ouais. Ben, il est drôle comme malgré lui. Comme toute bonne personne qui fait beaucoup, beaucoup trop d'argent sur le dos des imbéciles et qui veut redorer son image à moindre coût, Jim Davis est un philanthrope. Il a récemment créé The Professor Garfield Foundation, qui a pour cause le support de la littérature chez les enfants. Je me dois de saluer l'humour ironique de ce Sir Jim, étant donné que Garfield s'adresse aux illettrés. Fait que c'est un philanthrope, en plus d'être un milliardaire. Bulles jusqu'à contenir ouais. 14 mots. Aujourd'hui, Garfield est publié dans 2600 journaux et élu quotidiennement par 200 millions de personnes, ce qui en fait la bande dessinée la plus répandue mondialement. Ben non. Oui. La plus répandue en anglais, c'est The Most Syndicated. Ça sert quoi? Comment est-ce que ça traduirait ça? La plus... La plus distribuée dans des la publications plus distribuée, alors. Qui ne sont pas sa publication originale. J'ai délibérément pas dit la plus lue, j'ai dit la plus. Écoute. Distribuée, je dirais. Créé au départ. La Gare du Nord, c'est bien meilleur. Ils ont fait un film. Créé au départ avec la noble intention d'inventer un personnage simple qui se met en marché facilement. Et parce que Jim a vu qu'il y a beaucoup de chiens dans les comic strips, mais pas de chats, et qu'il y avait une belle opportunité. C'est pour ça qu'il l'a créé à la base. Ah, oh, misère. Il génère c'est annuellement... la facette business. Oui, encore. Ouais, c'était vraiment parce que c'est un personnage qui se marketait bien. Il génère annuellement $1 milliard en produits dérivés. La série est délibérément dénuée des critiques politiques ou sociales, car ce bon vieux Jim admet humblement ne rien y comprendre. J'admire son intelligence de remarquer qu'il n'en a pas, et je vous conseille fortement le tome 53 de Garfield, Chat déchire, que je trouve inférieur au tome 6, Une lasagne pour mon royaume, le tome 17, Garfield n'est pas un cadeau, le tome 31, Ma soupière bien-aimée, le tome 22, Garfield n'oublie pas sa brosse à dents, mais supérieur personnellement au tome 27, Garfield se la coule douce, 33, Garfield a une idée géniale, 38, Chat Academy, et le tome 46, Moi gourmand, selon moi le maillon faible de la série. Alors, je donne 10 lasagnes sur 10, un cadeau pour les fêtes. C'est 17,95 chez Archambault. S'il vous plaît, prenez-en 4 2. Comment il s'appelle donc? Chat déchire. Chat déchire. Tombe 53. Ça apprécie, voilà. Ça fait du bien de. Merci. Merci bon. Julien ouais. Bernatchez. Burn, c'est burn. Ouais, j'essaye. T'es là la semaine prochaine? Je suis là chaque semaine, Tommy, jusqu'à nouvel ordre. Chaque lundi, c'est pas mal ça, Bruno. On va essayer d'être prêt la semaine prochaine, d'ailleurs, puis d'être là à temps. C'est bon, toi, Evelyne, vas-tu revenir avec nous autres la semaine prochaine? Non, moi, j'en reviendrai pas, non, moi, j'en reviendrai plus jamais, moi. Ouais, comment ça? Moi, je travaille les lundis, fait que je peux. Tu vas pouvoir nous enregistrer des chroniques en avance. Ben, je pourrais faire ça, ouais. Bon, tu n'iras pas. Ben, je viendrai les enregistrer ici, en fait, pendant la fin de semaine. Ben, ouais, ça va se faire. Ouais. Oh, ça va se faire. On va s'arranger, en tout cas. Tout ça pour dire que si vous avez du matériel que vous voulez qu'on passe, des demandes spéciales, prêt, j'ai de bonne humeur, c'est le temps de nous les envoyer. Et c'est rare, ça. Non, c'est pas rare. Mais ça donne c'est là. C'est pas vrai, Ah, ouais, mais... J'ai pas donné de mission. J'ai dit qu'il y a peut-être du monde qui vont te demander des... qui vont te donner des missions. Hey, je veux juste dire quelque chose à Lily en chute, parce que je suis pas mal convaincu qu'il va retrouver l'enregistrement sur Internet, là, notre auditeur français. Parce que juste par excellence. Ben oui, parce qu'il y en a peut-être d'autres. Parce qu'on se fasse mettre en punition par Choc FM, la dernière émission... Lilian avait envoyé une boîte avec des cadeaux pour tout le monde. Puis moi, j'étais pas là à la dernière. Moi non plus, en fait. T'étais pas là? Non. Est-ce que t'as eu ton cadeau? Ben, Étienne a écrit sur Facebook cet après-midi sur ma page que la semaine prochaine, c'est il allait ça. Me le donner live. C'est ça, parce que c'était ça le but, là. Que, dans on est rendu quand même. On approche le prochain Noël, là, à peu près. Oui, c'est, ouais, ça. C'est ça. Non, mais ça fait presque un an, tu sais. Je sais pas c'est quoi. Que, ben, moi, dans le fond, je pense que je vais venir. Je vais venir déballer mon cadeau. Je vais faire une capsule. Je vais venir enregistrer mon déballage de cadeaux dimanche prochain. Ah oui, on va mettre une trame sonore appropriée, là, comme des... De Noël. Des filles qui crient. Des sorcières, là, comme DJ. Des ogres. Ou ben des chats terrifiants qui font... Miaou! Oui, c'est ça. Miaou! Ou la mort de Noël qui se fait un pudding. Faut-tu mettre l'eau avant la poudre ou la poudre dans l'eau? Ah non, c'est pas de l'eau, c'est du lait, là. Ben oui, c'est ça. Des bonbons. Ah, Mathieu, t'as-tu une demande spéciale de petits clips qu'on va aller écouter avant de revenir? Attends, non, non, Simon, il... T'as donné une mission au monde, fait qu'il faut prendre les... Ah ouais, il en envoie. Mm-hmm. Ben là, choisis celui que tu veux, puis dans le fond, tu peux mettre n'importe quoi, puis dire la demande spéciale de quelqu'un. De Nicaron. Comment qu'on écrit ça, Genghis Khan? Ah, Genghis, c'est Milan, ça. Qu'est-ce qu'on va regarder? C'est Genghis Tap Moscow. C'est RTC, rien à voir avec Choc FM. Ben, à moins qu'ils veulent pas avoir Moscow. Oui, en fait. Hey, j'ai reçu un texto méta-contextuel de Benoît Mercier qui me dit que j'ai un beau chapeau. Il nous regarde là. Benoît Mercier m'a dit que j'avais un beau chapeau. Ah! Arrête d'envoyer des textos à Evelyne, puis va sur douteux.tv, Benoît Mercier. Fait que là, on peut dire salut aux amis de Choc FM. Quand que... Ah oui. On va faire le show à 7h hein, la semaine prochaine, sûrement, pour pas flaguer le live que nos amis des Mystérieux Étonnants sont en train de savourer. heure et demie, peut-être que c'était long en commençant. Là, ça durera le temps que ça nous tente. Là, toi, Mathieu, vas-tu revenir nous présenter des films à chaque semaine? À chaque semaine? Non! Ben oui, un nouveau court-métrage à chaque semaine, mais on va faire un juste pour vous autres. À chaque fois. Ouais, avec une licorne et puis du gilard. Toutes sortes de belles cochonneries, mon gars. Ils font caca des papillons? Non, des caca de papillons! Ah oui, c'était bon ça. Genghis Khan, c'est pas du disco poche des années 70. La demande spéciale de quelqu'un qui aimerait rester anonyme. let's check in with Tyson for tonight's quick look forecast. Hey, I want to try something. Keep double boxes going right here. Hold on, I'll be right back. Je pense qu'on repart. Oh, il est en train de faire des indicatifs. Pas l'affaire à Bruno. Jackson. Hein? Pas mon affaire. Pas mon affaire. Pas mon affaire. Ça va être la première fois. Pas mon affaire. Non, mais même pas d'expression. Oh oui. Oh oui. Voici maintenant les manchettes internationales avec Bruno Corbin. Yes. Alors, il est son super pouvoir, il est dit Shazam. Cette semaine, j'ai pas vraiment travaillé, ben j'ai pas eu le temps, en tout cas. Je vais quand même essayer de faire quelque chose. Alors, il y a Tom Bullingham qui s'était commandé deux pantoufles sur un site internet où est-ce qu'ils font des pantoufles custom. Mais ce gars-là, il a des pieds un petit peu différents. Il y en a un que c'est un 13, puis l'autre c'est un 14,5. Fait qu'il a envoyé sa commande au site internet et la compagnie en Chine qui a reçu sa commande a mal fait la traduction. Donc au lieu de recevoir un 13 puis un 14,5, il a reçu un 13 puis un 1450. Quoi? Okay, incapable de s'asseoir. Un 1450 ou un XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX large. C'est un ça fait à peu près la c'est probablement la plus grosse pantoufle au monde, donc c'est une pantoufle qui a à peu près la grosseur d'un grizzly ou d'une smart là, un petit char là. Ils se sont dit un pied gros de main. Ben, eux autres en fait il paraît que la raison pour laquelle ils l'ont fait sans se poser trop de questions, c'est qu'ils pensaient que c'était probablement pour mettre dans une vitrine de boutique une commande spéciale. C'est juste bizarre que ça vienne avec une 13, effectivement. Aucune bonne commande spéciale, aucune notice. Non, voilà. Alors, Bullingham a l'intention de vendre la grosse pantoufle sur eBay. Alors, si ça vous intéresse d'avoir la plus grosse pantoufle au monde. Il y a des photos sur Internet, il est assis dedans. Il est assis dedans, ouais, sa pantoufle. Oh. Alors, sais-tu comment il a payé? Il a payé le prix qu'il aurait payé. Je pense qu'il a même reçu un mot d'excuse de la compagnie, puis il s'est fait envoyer la vraie pantoufle de 14,5 à la place. Ah, censure. Ouais. Wow. Ouais, rendu là. C'est cool. Quand même. Si la pantoufle est en vente sur eBay, on payera pas plus que la compagnie en Chine qui peut nous les faire. Puis, ah, ça, c'est ça. Ils ont l'air d'être arrangeants en cette question. Ouais, effectivement. Parce que c'est des enfants qui ont fait la grosse pantoufle géante. J'imagine. On travaille en gang. Vous êtes mais dans l'article, ils les appellent les employés. Ah. c'est comme drôle. Mais ah voilà, ah, alors on peut l'avoir à l'écran. C'est une grosse pantoufle. Avec des griffes. Attends, en plus. Je vais essayer de la pointer. On peut l'avoir à l'écran. Ah. On peut voir la face du monsieur content. C'est presque mortel. Ça, on peut voir la. Voilà. On est équipé. Arrête de. Comme ça. Ça. Alors, puis si tu la rétrécis un petit peu, on va voir l'autre pantoufle à côté aussi. Oh! Lui, il s'est fait faire des pantoufles de grizzly sur mesure. Voilà. Qui est là? C'est le retour de la mort de Noël! Elle dit qu'il fallait qu'elle aille faire quelque chose de bien, bien pressant. Ouais, j'avais des emails. Elle est comptée ses nouveaux amis Facebook, mais ça, il est rendu à 26. Je suis allé écrire de venir déguisé au concours de costume. Cool. Ah, l'impact que ça va avoir que t'as écrit ça, là. Je pensais à mes 25 amis. Ouais. Je pensais que t'avais été moissonné des vies. Les gens qui avaient rien de prévu, il n'y a pas de costume de prévu, puis là, ils vont le faire. Ils vont le faire. Bon, Israël a failli gagner l'année passée avec ça. Non, pas ça, pas. Avec aucun. Hey, yes. La honte. Ça fait encore mal. Tu nous en pêches-tu un autre? T'as dit que je l'avais pas son costume, c'était une pit of shame. Oui, alors la stupidité serait à blâmer dans la dernière descente d'une shop à héroïne à Portland, en Oregon. Cette fois-ci, les fabricants de crystal meth, de marijuana et d'héroïne et de pelules amphétaminophénique. Ça marche. Voilà. Sûrement que si t'avais besoin d'autre chose, ils pourraient te l'avoir. Aurait distribué des flyers dans le quartier sur lequel était écrit Heroin for Sale avec l'adresse de l'endroit. Mais non. Hey, le tape. Puis là, ça te parle pas de Wonder Woman. Non, voilà. Le flyer aurait fait son chemin jusqu'entre les mains de députés de la police. Et voilà. Ils ont pas assez écouté Breaking Bad. Non, c'est ça, exactement. C'est tellement bon. Ils ont pas assez écouté Brokeback Mountain non plus, probablement. Ouais, ou. Tu gardes ça d'intense. Mais non, mais ils sont pas bons. Ils sont vraiment pas bons. Voilà. Fait que là, ils ont-tu bypassé le juge puis ils ont pogné 200? Non, mais ils sont tellement pas bons. Une autre nouvelle. Je pense que. Ben là, attends. Non, ah, ben écoute, je peux t'en shifter. Hey, écoute, est-ce que vous êtes tannés, vous autres, des céréales dans les Lucky Charms? Ah oh, oui. Bon. Parce qu'il y a quelqu'un qui a inventé un tamis à Lucky Charms. Ça te permet d'enlever toutes les céréales inutiles et de ne garder que moi, je viens un bol de guimauve. Le chewy goodness des guimauves de Lucky Charm. Alors, il y a. Allez, c'est. Ah, j'ai oublié le site internet. Là, c'est comme améliorer sa teinte. Améliorer sa teinte. Attends un petit peu, je vois. On est interactif à 70%. Ah, le gars. Aïe, hein. Puis ça marche-tu sur, mettons, Il dit des... que ça peut ça fait 90% des Lucky Charms vont être filtrés dans le truc. C'est un certain Tom Lombardi qui a créé le truc. On va aller sur Thingverse. Donc, thingverse.com pour trouver le mode d'emploi pour le fabriquer, en fait. Il te laisse un petit peu. Oui, il donne le mode d'emploi, tu peux le faire, voilà. Il y a même le Other People's Variation. Son village, il a fait un statut de 3 mètres en bronze. Voilà. Après ça, ils sont tombés malades, ils se sont mis à perdre leurs dents. Si on le tient par les pieds, un lutin. Le scorbut en 2011. C'est clair. Obélix, non! Ah, on avait une demande spéciale. Ça, mec, peux-tu dire Obélix, oui, ouais, ou Obélix. Ça c'est rare. Je peux pas vraiment dire Obélix. Cale pas ta potion magique. Non. Non, c'était pas Astérix, c'était Obélix. Il voulait Obélix. Il veut Astérix. Non, il voulait. Alors décidez-vous, là, parce que moi, il fait les deux en même temps. Ça me demande beaucoup, moi, faire ça. Ça me demande beaucoup. Ah, j'ai mal compris le message de ta blonde qui dit non, pas Astérix. Je pense que t'as un petit peu tanné. Maud, on te salue. Maud. Il y a quelqu'un qui veut que je dise amphétaminophénique, une autre voix. Amphétaminophénique, Maud. Ben, quelqu'un, c'est-tu encore... On te fait d'être encore mode, ouais. Non, là, non. Laissez la place à d'autres. Elle est bien contente. On fait ta bédominique. Ça fait un nom de... Ça finit en X, ça peut faire comme un X. Amphétaminophénix. Amphétaminophénix, non! Non! Ouais. Peut-être, on pourrait dire peut-être. Non, penses-tu pas, non. Penses-tu que Tintin, il est gay? Tintin est asexué. Bob Moran est hétérosexuel. Il est hétéro, Bob Moran? Ah oui, ben oui. Méga était... Ben oui, il est manly, manly. Hein. Même il fourre tellement de filles que c'en est louche. C'est ça. Bill Ballantyne, il dort dans toutes les mêmes chambres de modèle que lui. Ouais. Il y a quelque chose à cacher. Ouais. Tu connais pas Bob Moran? Non, mais pas bien. Ouais, de réputation, je savais qu'il fourrait bien des filles. Ouais, tu vois. Il connaissait pas, puis... Une réputation de Don Juan. En fait, en 1996, à Val-d'Or, là, j'ai fait un pari avec des amis, puis j'ai dit, vous allez voir, d'ici 10 ans, il y a un long métrage sur Bob Moran. Je l'ai perdu en 2006, ce pari-là. Puis j'ai entendu dire que c'est parce qu'il faisait trop gay. C'était la même affaire de pourquoi il n'y avait pas encore de film avec Tintin. Il voulait transformer Milou en une petite pitoune, là, tu sais, pour donner un contrat à Jennifer Love. Ben, Milou, en fait, était le nom de la première blonde de Hergé aussi. Oh. Ça, c'est un peu bizarre. Ouais, c'est louche. C'est louche. Elle l'a fait en petit chien. C'est une chienne? C'est un chien, je crois, mais... Ouais, mais le sexe... C'est un fox terrier. Je t'avais pas de la couleur. Un foxy terrier. Un foxy terrier. C'est un chasseur. Foxy derrière. Foxy derrière. Mon Dieu, si je revenais la semaine prochaine, je nous aurais amené un Foxy derrière en studio. Imagine. Yeah. Ils ont les têtes dures, ça a l'air, ces chiens. C'est notre garoché un d'un mur. C'est la mort de Noël. La mort de Noël. C'est la mort de Noël. C'est con. Ah, mais... Sinon, est-ce qu'on avait d'autres clips de Mathieu? J'aimerais ça en voir plus. Ouais, on l'écoute-tu, son film, quelque chose? Ah, faut l'écouter son film. C'est après l'émission. Ah! C'est après l'émission. C'est après l'émission. Ouais, c'est ça. Mais avant, t'en as des courts-métrages qu'on pourrait écouter. Ben oui. Je peux tout les trouver. Y'a-tu beaucoup de monde qui écoute? Je vais-tu me faire chicaner? Parce que j'ai un film qui est en train de faire les festivals en ce moment. On pourrait l'écouter en primeur. Ah oui! 16. On peut, mais là, ils vont-tu voir, il faut que je te dise des affaires secrètes. Ok. Ok, alors... Faut que tu dises dans le micro pour qu'ils entendent. Ben, il faut que t'ailles... Ouais, parce que sinon, ils t'entendent. Ok, je m'en viens. Fait que, j'entends de vous autres, ok? Amusez-vous. Okay. Bon, ok. Ben, moi, ça va me faire plaisir de parler un petit peu et de les nommer pour la première fois sur les ondes de Douteux TV. Les objectifs de l'organisme que sont douteux.org, c'est très simple, ça va dans l'ordre. Développer le réflexe du questionnement par rapport à la culture de masse et éliminer l'acceptation automatique des idées reçues. C'est le fun qu'on puisse être en contact avec vous directement via le cellulaire à Evelyne et le portable à Bruno. Et autre moyen, ça nous permet justement d'être à l'écoute de ce petit besoin-là. Et d'accepter les critiques. Là, si la mort de Noël sent fort, on va passer le message. On a le droit de le dire. Illustrer l'immense variété et l'incroyable omniprésence d'éléments douteux dans les médias, même les plus récents, même ceux à très haut budget. Je pense qu'on peut se saouler en onde sans boire du vin dans des grandes coupes, c'est correct. Mais on peut-tu saouler avec du vin avec des grandes coupes? Oui, le vino, là, c'est accepté, ça. C'est bon. C'est accepté, y a pas de problème. Sinon, on veut développer chez l'auditoire le réflexe de questionnement par rapport à ce qui est présenté, susciter les conversations et les débats entre les auditeurs parce qu'une œuvre n'est jamais autant vivante que tant quand elle est discutée. Et c'est pour ça qu'on est très content de présenter toutes sortes de choses variées, des Julien Bernatché, des Mathieu Enfield, des morts de Noël. Et voilà, des morts de Noël encore une fois. Oui, oui. Brâle pas trop les bras, s'il te plaît. Et bien sûr, le quatrième des objectifs de l'organisme, offrir des expériences de visionnement enrichissantes en présentant ce que les médias de masse ont de plus divergent à offrir ou ce que les médias underground ont de plus méconnu à offrir. Ouais, en tout cas, je pense que ça va bien. Ouais, on a eu une belle programmation. Près tu nous as monté de quoi en fin de semaine. Moi, mon coup de cœur, le film, c'est Cemetery Man. C'était un film d'horreur italien assez weirdo, là. Le gars, il hallucinait comme des bouts encore vivants, puis là, il y avait un petit frère comme obèse. Ouais, c'est Cemetery Man, c'était bon, ça. Moi, je vous le souhaite et conseille. C'est mon coup de cœur de la fin de semaine. De la mortée, de la mort. C'est pas pire. C'est tout un film. Sinon, quelle autre aventure incroyable. On a eu plein d'amis qui sont passés pour visiter et, le spécial de DJ Georges. Samedi, c'est quoi qui est arrivé samedi? Rémi Couture. C'était bon ça. C'était pas dimanche. Il est trop tard pour voter pour T4Turbo. Non, vous pouvez encore aller aujourd'hui à minuit, je crois. Ils sont premiers, je me trompe pas, n'est-ce pas? Ouais, ils sont toujours premiers. Ils sont toujours premiers. Moi, je suis allé voir, ils sont à 2200 quelques votes, puis l'autre derrière est à 1700, 1800 votes. On peut prendre pour acquis. Ça va bien. Qu'ils ont assez de votes. L'effet Corbeil, qu'on dit. Non, allez voter, il faut pas baisser les votes. L'effet Corbeil ou l'effet Rogers? Mais très bon, vidéo, bien sûr. C'est excellent. Bon, surtout, c'est pas juste de voter pour les amis que pour voter. Celui non, pour que une fois, parce que c'est celui qui trouve le meilleur. Quand c'est des amis, tu dis voter pour ça, mais là, c'est bon pour vrai. C'est pour ça qu'on en parle plus que bien d'autres. Ouais, c'est ça. C'est pas comme le concours que l'autre a été fait. Hein. Mais c'est comme un concours international. Ben, il est dans la pièce, fait qu'on en parlera pas. Ah, c'est ça. Non, c'est pas vrai. Le tyrannosaure? Ouais, c'est ça. C'est quoi qui est arrivé d'autre? Fait du bricolage, fini le musée. Ouais, ça c'est en train de prendre forme, je pense. Il y a eu un bout aussi qu'on a sorti comme une espèce de démon qui avait comme fait une niche dans un raccoin. Il mangeait un petit peu tout ce qui passait. Fait que là, après avoir grignoté des mollets de quelqu'un, on a dit non, démon, fini. Mis ça dehors, ça fait du bien, ça gagne une pièce. Fait que là, ça va devenir notre salon juste à côté avec des jeux vidéo et tout. Tu peux dormir là? Oui, tout le monde peut venir dormir quand ils veulent. Tu sais, on en a déjà profité. Probablement. Ouais. Taquinou. Oui, aïe. Sinon, viendrait cogner au 2056 à côté. 2056? Ça essaie de nous voler notre monde. C'est juste parce que t'es une fille et tu viens plus ici. Une personne à la fois. Jaloux, t'es jaloux de mon salon. Hey, pendant qu'ils sont en train de finir de checker ça, j'aimerais remercier les amis de Roadkill Superstar, Rémi Couture, l'excellent. Et DJ Georges, on a eu Marie-Ève Girard qui nous a fait faire de quoi de beau avec la Plaza Saint-Hubert et Catherine Couassi vendredi. Plein de nouveaux amis, ça va vite. Il y a Andy qui est là-bas, il est habillé en petite blondinette. Filme-toi donc, filme-toi la caméra. Viens voir la caméra. Andy qui a filmé toute la soirée, qui s'est occupé de la caméra. Ouais, il va pas faire ça à tous les lundis, mais aujourd'hui, non, mais il a décidé qu'il s'en occupait. Seulement, elle va pas bouger la caméra. Il a dit que c'était correct. Ouais. C'est encore une fois basé le tout autour d'un club de visionnement qui vous promet de vous montrer des affaires que ça lui tente au moins à eux autres d'écouter, là. Pas tout le temps. The Bed That Eats, j'y en veux encore. Première règle du club, on parle à tout le monde du club. Deux, attention, très important, on parle à tout le monde du club. Trois, si quelqu'un chiale, se plaint ou engueule, c'est signe que le visionnement s'éloigne de la neutralité, donc est en train de créer un objet, quelque chose qui peut être discuté. Quatre, jamais aucun projectile sur un être vivant, aucun, jamais. Ça, c'est parce qu'au brouhaha, quand on écoute des films, les gens, ils ont des projectiles sur le table. On dit jamais à personne, là, c'est le temps de lancer ou ces affaires-là servent à être lancées. Mais, c'est, ouais. D'habitude, l'organe crée le besoin, mettons. Ouais, c'est pas mal ça. On assume ce qui nous passe par la tête. C'est la cinquième règle de notre club de visionnement. C'est très facile à faire, ça, d'habitude. Au début, c'est dur, là, parce qu'on se demande si le monde, ils vont nous juger, parce que notre coupe de cheveux, on la trouve pas optimale. Comme c'est, moi. C'est pas long qu'on s'en cas. Oui, ben, regarde, tu vois, on te parle, puis on te regarde dans les yeux. Là. Ouais. C'est le best, c'est de te mettre une tuque, moi, j'ai trouvé. De tuque de Noël. Quand je l'enlève, ils sont encore plus aplatis, puis... Faut pas que tu l'enlèves. Finalement, si c'est votre première soirée au club, finir ça vite, vous devez vous poser au moins une question. Ça fait jamais mal. Mathieu, c'est quoi qu'on va écouter? C'est quoi qu'on va écouter? Mon petit film? On va écouter Romance. C'est la deuxième partie d'une trilogie sur l'amour sur laquelle je travaille en ce moment. Oh. Je ne vais pas vous faire de synopsis, mais c'est le dernier court-métrage que j'ai réalisé qui est en ce moment dans les tournées de festival. Je ne sais pas si j'ai le droit de la diffuser. On va se faire chicaner au pire, fait que c'est ça. Au pire. Puis il va passer en Russie aussi. Il a été acheté par la télévision russe. Oh, sacré! Je ne sais pas trop c'est quoi le call. Je ne comprends pas tellement, mais ça va passer en Russie, ça a l'air. Fait que vous avez une exclusivité en même temps que les Russes. Oh! Merci, Matt! Invité! Invité! Hey, mort de Noël, j'aimerais juste ça te dire que tu as maintenant 25 likes. Ah ouais, c'est ça, j'ai vu ça tantôt, on est rendu à 25. Je suis vraiment séduite par notre invité. Il va avoir un plus au 25e. Le monde a arrêté de te liker à partir du moment qu'il y a eu un gagnant. C'est la couronne. Ouais, c'est j'ai plus d'amis. Thank you. Ici Stéphane Bureau, qui a certainement l'ambition un jour de pouvoir incarner le rôle de Jared dans RoboFlick 2. Vous allez écouter de 70% avec les guélurons de l'information. C'est nous autres, ça! Stéphane Bureau, il voulait avec être dans RoboFlick 2 avec Jared. Ah, ça aurait été cool. Ça, oui, ça aurait été weird. Ça m'a donné envie de dormir en cuillère, en tout cas, ton film. Ben oui, c'est ça que ça dit. Oui. C'est... Moi aussi, ça m'a donné le goût de dormir en cuillère. Moi, ça m'a donné le goût de me couper un bras. C'est ça aussi que ça dit. Ouais. Ouais. Je pense pas que je vais le faire pour vous. Non. T'aurais pu le mettre dans ton arbre. On reconnaît un grand romantique. T'es-tu dévoré par les choses de l'amour? Non, sauf que j'aime vraiment ça, les bouts de bras coupés. Ah. Puis j'ai trouvé que la toune de Vivaldi était bien bonne. Fait que non, en fait, je pense que c'est... Je sais pas. C'est, non, je suis pas dévoré. Je suis pas trop dévoré. Non, pas par ça. Non, pas par ça. Je me sens pas même pas pour ton amour pour les bouts de bras découpés? Pas dévoré. Je dirais non, que c'est plus ça. Dégusté. Pardon. Ah, d'accord. Oh, c'est chiant. C'est une belle nuance. C'est, oui. C'est... encore une fois, je vous invite à aller voter sur le site de www.douteux.org. Le but, c'est de choisir le long métrage qui va servir de corpus à nos soirées de visionnement qui ont maintenant lieu live online sur Douteux TV. Et on va essayer, mais on l'aura pas chaque semaine tout de suite. On l'aura pas chaque semaine tout de suite. Tout de suite, mais on va essayer. Et sinon, c'est dans 6 bars du Québec où il y a des projectiles et des bénévoles gentils. Vous pouvez vous faire des projectiles chez vous et juste pas nous achaler. Et respecter la 4e loi. Parce que si tu commences à lancer des affaires à quelqu'un. C'est pas beau. Ouais, c'est ça. Ce soir, c'est Truth or Dare. Et c'est à ce moment-ci qu'on va utiliser le talent d'acting. Oh, yeah. Yes. Ok. Fait que là, moi, je fais lequel déjà? Tu fais, ouais. Le premier. Ouais. Ok. C'est quoi le film de ce soir? C'est Truth or Dare, film américain de 1987. Et c'est un film comment? Ben, ils sont rendus à Truth or Dare 4. C'est en 2011, année durant laquelle la crise de Fukushima fut réglée pour de bon, que Tim Ritter a vu son 4e volet des aventures de Truth or Dare transformé en scénario de film réalisé. Ouais, c'est ça. Y a des choses comme ça qui grandissent sans qu'on s'en rende compte, tu sais, qui ont des suites, même si on aurait parié notre âme au paradis qu'il n'y en avait pas, parce que c'est illogique qu'il y ait des suites comme une équipe de hockey en Arizona ou mon célibat, là. Parce que tu utilises ta tribune pour parler de toi, dans le sens que, parce que tu veux... Non, attends. Truth or Dare. Pourquoi il y a autant de suites? C'est comme les Highlanders. Il ne peut en rester qu'un plusieurs fois. Et c'est pour ça qu'ils sont rendus à 5 longs métrages, une télésérie dans l'avenir et plein de dessins animés. C'est illogique. C'est ça que je voulais dire. J'ai une question qui me chicote. Je t'écoute parler. Ouais. Comment ça qu'ils passent ce film-là au douteux? Il est bon acteur. Ben, parce qu'ils sont toujours contents de montrer des choses qu'ils joueront plus jamais ailleurs, d'aucune manière, pour personne. Ok, oui, mais tout le monde le sait. Mais pourquoi, dans le fond, ça se passe au douteux? Ben, parce que c'est un film douteux. Ok. Là, c'est écrit « Pas trop semelle ton attitude ». Ouais. J'ai une question à te poser. Qu'est-ce que tu veux dire par « Wow, pas trop semelle ton attitude » ? Ben, une attitude de coup de pied, tu sais. Écouter comme une botte, là, tu sais. Ok, je vais être capable de le jouer, là. Ouais, c'est bon. « Wow, pas trop semelle ton attitude » ? Hein ? Ben, parfait. Puis pourquoi c'est douteux ? Ben, c'est difficile de créer un mythe qui va derrière la création d'un personnage d'horreur crédible et poignant. Tu sais, je dirais que c'est douteux le film d'asseoir. Parce que la tentative est très, très grosse de créer un personnage mythique et poignant. Et comme ils sont rendus à 4 volets du film, ben, ça prouve que c'est bon. Non, ça prouve pas que c'est bon. Chut! Écoute, on va écouter un bout de Truth or Dare. Nice. Ben, c'est le même que j'avais écrit mon affaire pour finir. ils vont l'écouter. T'es tellement réfractaire. 70%, je vais mettre ton indicatif. Maintenant. Yes. Le film qui te de la semaine. Le film qui te de la semaine. Le film qui te de la semaine. Le film qui te de la semaine. The big to me go there. The big to me go there. The big to me go there. The big to me go there. The big to me go there. C'est pas si souvent que ça. Ça passe vite. C'est un certain Guillaume, je pense. Non, salut. C'est ça, voilà. Ouais. Salut. Salut. J'ai pas de micro, mais j'ai une nouvelle pour vous autres. On va buster! Wouh, on défend. Ouh! À la Jean-Marc. Pas de rigueur. On a demandé à Guy Cloutier, puis il a dit que c'était correct. C'est ça. Fait qu'à cette heure qu'on buste, on peut parler du fait qu'on buste. Uniquement. Ouais. Bon. Hey, ma chronique! Parce que je m'étais dit toujours, j'aurais toujours voulu faire une émission où est-ce que je pourrais buster. Ben là. Puis là, à un moment donné, je l'avais parlé à Guy. Puis là, Guy, il a dit, peut-être qu'on pourrait buster. Fait que là, je suis allé le voir, puis j'ai demandé, écoute, on pourrait-tu buster aujourd'hui? Puis depuis ce temps-là, on buste à toutes les émissions, puis c'était pas prévu. C'est pas parce que t'essayais une place une fois qu'il faut tout le temps que ça retourne là, tu sais. Il hey, dit, ça a l'air qu'on va buster. Ben, c'est fait, je pense. Ouais. Ça fait maintenant une minute! Dans une minute! Dans une minute, on passe. Ce qui nous manque, en fait, là, pour faire ça, adulte et mature, là, c'est une nouvelle de Bruno. Ouais. La chronique d'Evelyne. Un salut à la mort de Noël et des remerciements. Et la même chose fois deux à M. Anfield ici, qui va nous présenter aussi son zombie, le documentaire, qui va jouer pendant que nous, on va aller au brouhaha. C'est tellement une bonne idée. Fait que on commence par quoi? C'est Garfield, structure, je me mets sur noir pendant que tu regardes mon film. Mais... Hey, vu qu'on va buster, j'aimerais ça qu'on mette Ghostbusters. C'est la mort de Noël. Ben, on va buster, je trouve, cette thématique. Fait que ça va trinquer pas bon, Bruno et Evelyne. Ouais, ça va me laisser me préparer pour faire une nouvelle. Hein, c'est ça. Fait que prépare. Ça, c'est la toune qui est... Ah, OK, elle va jouer. Le gars n'a pas fait d'argent parce qu'il l'a volé à Huey Lewis and the News. Il l'a samplé. Ouais. C'est bon. Maintenant les nouvelles avec Bruno Corbin. Carbin, Carbin, Carbin. Les nouvelles. Voilà. Alors, dernière nouvelle pour la soirée. Un homme a été accusé par la police et, de Colorado Springs après avoir rapporté un faux vol à sa maison. Kevin Gaylor, 24 ans, avait invité une femme via Craigslist dans sa maison pour pouvoir faire des affaires. Ben oui. Voilà. Mais quand sa blonde est arrivée... Oh. C'est donc bien de plus en plus pertinent. Il a accusé la fille d'être une voleuse et a appelé la police pour pouvoir se sortir de cette situation-là. Un petit génie en deux, non? Ben, c'est quand même créatif. Aïe, aïe, hein, c'est... De façon raffinée. Ah, ben, oui, vois-tu, voilà. Il a trop écouté Breaking Bad. Ben oui. La fois que t'assumais aussi... je sais pas combien de fois qu'il appelait sur Craigslist pour avoir du monde chez eux, là, c'est... Je pense qu'il va-tu réessayer. Voyons, ce petit tonton. Hein. Ouais. Hein. On le salue pas. Ben. Ouais. Fuck you, Kevin Gaylor. Non, salut la voleuse, par exemple. Kevin ouais. Gaylor. Ouais. More like Kevin Gaylord. Oh, ya burn. Gay queer. You've been hazed. Fait que là, Bruno, t'as 7 jours pour nous préparer de quoi que qui va avoir un petit peu plus d'allure. Tu pourras pas dire j'ai pas eu le temps de me préparer ouais, ou j'ai pas préparé. Je l'aurais pas dit, ça aurait pas paru. Là. On n'avait pas 8 mois à se préparer. Il comprend pas, lui. Il est comme prêt. Il aime trop s'excuser, eux autres. Je sais pas c'est quoi le problème. Ben, je me... on s'excuse, OK? On s'excuse. Evelyne? S'il te plaît, tu vas nous parler de quoi, toi? Tu nous amènes ta chronique spéciale? Je dis rien tant que j'ai pas mon indicatif. Ton indicatif, c'est vrai, c'est pas fou. La fille de service! La fille de service! La fille de service! Je suis un petit peu ému à chaque fois. Ben oui. J'ai les petites larmes, là, les petits... T'as dit que tu voulais que ça joue à ton enterrement, non, d'autres fois. Oui, oui, j'ai dit ça toujours, ça. Oui, ça tient toujours. Ça, je pense que c'était ça, 70%. Oui, oui, si, oui. C'était à 70%? Moi, t'as dit ça. Moi, décidéré. Ben, les deux. Tu dis ça à chaque fois. Tellement d'émissions, tellement d'émissions. C'est vrai. Tu vas nous parler de... C'est bon, ça, décidéré, d'ailleurs. Je vais vous parler de quelque chose qu'on parle vraiment pas assez. Je sais que Bruno fait des nouvelles. Mais moi... Mais des fois, il se prépare pas. Oui, puis lui, c'est des nouvelles internationales, mais de toute façon, je veux dire, revenons chez nous un petit peu, là. Revenons chez nous. La corruption dans la construction, OK? Il n'y a pas juste nous autres qui en parlent. J'ai trouvé un article dans Der Spiegel Online, un journal allemand. Oh! Et puis, avec la magie de les internets, ça traduit tout seul. Et puis, ça... Avec brio, généralement. Avec brio, généralement. Constatons-le ensemble, constatons-le. Oh, c'est une bonne idée, j'adore ça. C'est quoi les... Ça rappelle un petit peu plus, justement, jadis, pour ceux qui ont suivi, lire du normal amour, ce n'est rien comparé à ceci. Fait qu'on pèse play plus que record dans notre tête, mettons. C'est ça. comment ça s'appelle, les poèmes japonais, là, de toi? Haïku, oui, j'allais dire. Est-ce qu'on sait, toi, c'est quoi le mot? Excusez-moi. On avait hâte de le dire. Haïku! On a de la culture. Alors, c'est ça que l'on trouve. Le titre de l'article étant « Terre de route s'effrite ». C'est beau. Je vais avoir de la misère. Je suis pas capable de lire. Faut pas tomber dans le piège de traduire ça en allemand pour penser comprendre. Je pensais avoir le temps de lire au complet parce que quand même comme juste une page et demie, mais sinon ben on a déjà bossé de toute façon. On a notre Bernatché meter, l'habitude quand une paupière ferme, faut accélérer quand les yeux ferment. C'est l'Halloween Ghostbust. Ouais. Ok. Bon alors autoroute bloquée, l'effritement des ponts, des tunnels s'effondre. L'état des routes dans la province canadienne du Québec, n'oubliez pas de pays en développement. Les conducteurs locaux d'entraînement de longs détours pour contourner, assez sûr, leur colère est grandissante. C'est super beau, vas-y, continue, j'adore ça. L'accident est le Québécois à l'esprit, comme il était arrivé hier. En fait, il est arrivé le 30 septembre 2006 sur un pont enjambant l'autoroute 19 dans la province canadienne, au nord de Montréal. a eu lieu vers 12h30, heure de l'horloge, sur un pont de... Ah, oh, c'était la plus belle phrase, attendez. A eu lieu vers 12h30, heure de l'horloge, la sur un pont heure. De fissure. Oh. Affaissement un peu plus bas de la route. Les experts en sécurité sont appelés dans la patrouille de route, mais les professionnels ne voient aucune raison d'agir. Une erreur de calcul fatale. Un peu plus tard, dissout une route complète et s'écrase sur l'autoroute. Deux voitures sont écrasées, 5 personnes meurent immédiatement. Ci-dessus, sur le viaduc, plusieurs pilotes ne freinent pas à temps et tombent dans l'abîme qui s'ouvre soudainement en face d'eux. 6 pilotes de graves blessures. Est-ce qu'il pilote MT de graves blessures? Une scène comme un tremblement de terre. Cependant, non seulement en raison de la rappeler mort et des blessés des journaux et des stations de télévision régulièrement pour le malheur. Le malheur, point. Les images apocalyptiques d'illustrer un peu plus impressionnant que n'importe quel autre avec une énorme province dont la province de Québec doit se battre. Avec un état misérable de toute l'infrastructure. Gros titre, en tant que pays en développement. Grâce à des fissures et des nids de poules dans les rues pendant une longue période, personne n'est surpris. Je me demandais bien ce que ça pouvait aider, ça. Mais l'état des ponts, tunnels et viaducs sont carrément effrayants. Sous le plâtre, s'effrite dans beaucoup d'endroits, sont déjà corrodées les poutres en acier pour voir les messages tortillés, rambardes de rouillés, toutes les dalles de béton lâches du plafond et les murs. Un lecteur à travers la ville de Québec semble comme si vous étiez dans un pays en développement. Les gens ont peur de leur propre rue, explique Andy. Local journaliste Riga, qui a le drame des années. Le drame des années. Pardon. Je me sens gênée. Et il les met en colère. Beaucoup d'automobilistes sauraient leurs itinéraires comme les conditions de la route sont la planification afin d'éviter que des embouteillages et des bâtiments dangereux. Il a dû promettre à sa femme sur le trajet quotidien au travail est un danger d'effondrement du pont de ne pas balade. De ne pas balade. De ne pas balade. Avez-vous suivi? Il a dû promettre à sa femme de détourner le chemin de ne pas balade. Okay. Ouais. Un sondage en ligne a récemment confirmé que la description Riga, non seulement... Okay, ouais. Je ne sais pas c'est quoi Riga. Ça faisait longtemps que ça marchait, mais là, ça a chié bien gros. Non seulement sur les impressions de son environnement immédiat et fondé, il a donné 88% de Montréal. Elle est préoccupée par l'état des routes. A été la moitié des utilisateurs même peur, entre guillemets. Le livre des secrets. Ah. Mais c'est un autre accident spectaculaire dernière juillet finalement conduit au fait que quelque chose bougeait sur le côté politique. Dans un tunnel avait un morceau de 15 tonnes de béton détaché du plafond et tombé sur la route. Miraculeusement, le conducteur sont repartis avec les horreurs. Les horreurs dans leur miraculeusement. Miraculeusement. Est-ce qu'on fait rapport au tunnel Ville-Marie de juillet dernier? Je pense que c'est ça. Pour augmenter la pression, ça fonctionne super bien cette phrase-là, c'est magique. Pour augmenter la pression sur le gouvernement provincial, le maire de Montréal, Gérald Tremblay, a publié un rapport interne sur l'état structural de toutes les routes, les ponts et viaducs de Montréal. C'est un livre d'horreur. Non, fun. Sur les 520 structures, route 81 chute que 38 comme inférieures et 44 statistiques instables classées. 12 bâtiments. Toutes les fois que ça a du sens un peu, ils se vengent après, mon gars. 48 statistiques classées, t'as dit? Ça va pas bien avec les ponts. Instables. 44 statistiques instables classées. 12 bâtiments sont faits dans un critique. Dans certains cas, ils ne peuvent plus être conduits, doivent être démolis et reconstruits. La publication du rapport a été une sensation politique, étaient désormais des rapports internes sur l'état des infrastructures toujours gardées sous le boisseau. D'être effrayants, embarrassantes pour les autorités ont probablement été les résultats. Un, est-ce que... Ouais. Le résultat, c'est que le monde a eu peur. S'il te plaît, ouais. J'adore ça, c'est vraiment une bonne idée. Là. Un phénomène unique. Mais moi, je trouve que ça un petit peu, ça dédramatise un peu le problème ou l'amplifie. Hein. Oh, il n'y a plus personne qui est mort. Ça dépend des phrases, ouais. C'est ça. Ouais. Un phénomène unique, gros titre. Comment a-t-il en arrivé là? Enfin, le mauvais état des infrastructures est un phénomène unique de la province de Québec. Si vous conduisez sur la frontière en Ontario ou aux États-Unis dans le Vermont, peuvent maintenant s'attendre à des routes bien entretenues. Il y a deux problèmes majeurs ici, a déclaré Riga. C'est l'un de la bureaucratie incrustée, T. Ouais. De nombreux bâtiments sont gérés par deux autorités différentes qui ne seront même pas à parler à l'autre souvent. Le pont Mercier sur le fleuve Saint-Laurent est d'environ la moitié de la ville de Montréal, puis au fil de l'eau de l'État. Ah. Parce que les autorités compétentes n'ont pas refusé les réparations, d'un côté est dans un état bien pire et plus dangereux que l'autre. Ah. Voilà. J'achève. Si, voyons, bah. Le plus gros problème. Hey, OK. Mais pour vrai, c'est... Mais ça, c'est vrai. Si on s'en crisse, c'est qui le bord du pont qui est le plus fucké? Voyons. C'est pour ça qu'on va être un pont, ça marche avec deux bords. Hey, d'ailleurs, peut-être qu'on pourrait l'avoir à l'émission un jour, le nouveau ministre des Transports au fédéral, Denis Lebel, c'est le père de ma meilleure amie d'enfance, toi, gars. Oh! Bang doyo. Ben, en tout cas, tu mets tes couilles sur la table, fait qu'on a hâte de les voir. On a plus le choix maintenant. Ah. Le plus gros problème. Regardez sa table, comment. Bonjour, vous êtes à 70%, 5 plaques, changez de poste. Bon. Le plus gros problème, la corruption. Mais le plus gros problème, et il est connu dans la ville de Québec au Canada, est la corruption. La plupart des ponts en ruine aujourd'hui, les routes et les tunnels ont été construits durant le grand boom économique des années 60 et 70. Puis atterrit beaucoup de l'argent qui était destiné à des projets de construction dans les poches des gangs et des politiciens. La construction bâclée suivit des années de négligence dans l'entretien, maintenant dépasser le passé, le gouvernement. Oh. Tabarnak, que c'est beau, ça. Et il reste donc, le ministère des Transports n'avait pas le choix que de prendre autant d'argent pour des réparations dans la main. Rénovation et construction des ponts, des échangeurs et d'autres parties de l'infrastructure cette année seulement dévorent 4 milliards de dollars canadiens. Néanmoins, il faudra des décennies avant que le pire des défauts soit corrigé. Reporter et Riga restent sceptiques de tout ce qui va fondamentalement changer au Québec. La corruption et l'incompétence ont toujours été là et sera toujours, dit-il résigné. Il demande combien cela va réellement être investi dans les rues de l'argent et disparaître aussi bien dans les sacs. Bravo! Nous sommes heureux de dans vous atterrir les 70%. C'est vraiment une excellente idée de chronique. Moi, ben, si vous en voulez plus, en tout cas, il y a les commentaires, il y a le forum de discussion qui s'en est suivi. Là, aussi. C'est avec les traductions qui vont avec. Non, je pense qu'on a assez mal au quotient pour l'instant. Là. Je vous en ramènerai d'autres. 44 statistiques, le pourcentage 2012, de tunnels qui Québec-Ville. Écoute, ouais. Moi, le début, je le trouve magique. L'effet de surprise a été assez prenant. Ouais. Hey, mort de Noël, merci beaucoup d'être passé. Ça fait plaisir. On s'en va au brouhaha déguisé en lutin là, pour se faire juger. Par. T'as-tu une méthode de jugeation que tu vas aborder? Je pense qu'on va y aller par applaudissement. C'est pas bête. On peut y aller par lançage de citrouilles, mais je suis pas sûr qu'il y ait assez de monde qui n'a apporté. Puis sinon, c'est par litre de sang que les gens sont prêts à sacrifier pour que. Puis, c'est pas juste en dernier, là, ça devient une question. Ah ouais, j'avoue, c'est bon ça. Ah ouais. Moi, j'ai déjà essayé. Blâme un peu aussi. Fait que. Il y en a un qui est cool au début, mais là, tu sais pas, tu te dis, ah, c'est là, c'est cool, puis à la fin, c'est. Non. Non. Faites comme vous voulez avec votre petit concours, ça ne mange pas, là. Je veux dire, c'est pas une crise de problème, là, anyway, là. Je m'en calais. Ben, c'est pas vrai. Tu reviendras pas la semaine prochaine, toi non plus, hein. Là-dessus, Julien Bernatchez, merci aussi. Ouais, pas trop. On est là lundi soir prochain. Chat déchire, tombe 53. En librairie le 22 novembre 17,95 chez Archambault, idéal pour les fêtes. Tu vas faire sûrement une table ronde sur le sujet épineux qu'est Garfield dans les prochaines semaines. Pour ceux semaines, qui restent en onde après 70%, on fait une table ronde sur Garfield. Pas ce soir, là. Pas ce soir, mais éventuellement. Éventuellement, table ronde sur Garfield en direct de Douteux TV. J'ai hâte de voir ça. Ouais. Bruno, merci. Oui, Evelyne, merci. On est parti pour l'aventure. Pendant que les amis ils se lèvent tranquillement pour se préparer à s'en aller au brouhaha, nous, on va vous laisser avec l'excellent court-métrage. On dit ça un moyen, hein, ça a passé 15 minutes. C'est un moyen, c'est 25. C'est moyen. On dit c'est moyen, c'est un moyen. Quand même, une grosse tranche d'amis qui t'ont aidé là-dedans. Je trouve ça fabuleux comment vous avez réussi à utiliser des caméos comme celui de Yves Desgagnés qui est. C'est, tu ne mets pas dans le milieu pour que tout le monde le reconnaisse. Là. T'as besoin de son tabarnak. Il a trouvé ça bien trippant. Il savait pas quand je l'ai appelé. J'ai expliqué le projet puis tout ça. Puis il m'écoute. Puis il fait juste me dire « C'est quoi ça, un zombie? » Là, j'ai expliqué. Oh mon Dieu! J'ai expliqué c'est quoi un zombie. En primeur à 70%. Voyons donc. Et là, finalement, j'explique tout ça. J'explique que c'est dégueulasse. Mais non, au contraire. Il était content, mais c'était au bout de Jean-Barc. Il était excité, Il était excité. Il cabotait. Tu l'amenais jouer avec des zombies. Allez, on le salue en tabarnak. Ben oui. Puis sinon, est-ce qu'il y a une affaire centrale qui est importante de savoir sur ce film-là avant de l'écouter? Ben écoute, moi, la façon que je vois ce film-là... Un trivia. Au début de la patente, pour moi, ce projet-là, c'était une joke parce qu'on trouvait ça bien drôle de voir un zombie qui parle de ses sentiments, évidemment. Puis je me suis surpris au cours du travail de faire comme Chris, on est en train de faire un film qui parle de la différence. Puis pour vrai, là, je sais que vous allez dire « Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, je le savais! Ouais, » Mais j'y ai mis le « dans le Attends, il l'a pris, puis on warp. Mais c'est ce que le zombie dit, on pourrait le faire dire par un grand brûlé ou par un sidéen ou par... Un adolescent. Un adolescent, ça c'est très vrai. Et ça se pourrait aussi... C'est un sujet qui se traite bien mal en humour. C'est le fait que ce soit un zombie et les flashbacks qui fait qu'on peut comme en rire. Mais pour vrai, c'est bad ce qui y arrive. Si on enlève tout ça, on enlève le maquillage, puis c'est juste un gars qui vient dire ça, c'est terrible ce qu'il dit. Fait que c'est un film qui parle de la différence, finalement. Et voilà. Ah. Il faut admirer la dévotion et la qualité de production. Merci beaucoup, Mathieu Anfield. Ça me fait plaisir. Invité. Merci. Invité. Invité. Invité. Invité. Invité. Oh. Invité. Invité. T'avais droit au zoom in, zoom out, toi aussi. je sais pas si on va avoir quelqu'un pour la semaine prochaine, mais c'est tout le temps un plaisir de parler dans un micro et d'avoir des gens et des amis qui m'écoutent. J'ai un dinosaure, je m'appelle Tommy et je vais voter sur douteux.org. Et la semaine prochaine, on va essayer d'avoir des puff-balls sur tous les micros. Bien sûr. Pourquoi pas? Pourquoi? Parce que sinon ça fait des P. C'est ça. Ah oui? Ben sinon ça fait des P. Quand la cloche sonne, c'est qui donne 170%? Comme individu reçu au bal des neurones, on est des douteux que les amis affectionnent, tellement faites fort. Du bon, bon, bon, fort, chaton, mais doutons encore. Oh, oh, oh, oh. Pas question de réponse bidon, pas de oui, rien de méchant. Pas de bêtises, pas de Jésus, les douteux, tout à nu, tout nu. Quand la cloche sonne, un bon tout te donne. Cet été, osez le cinéma. Du cinéma mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Quatre films le samedi, trois films le dimanche et le lundi,